Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On est ensemble de nouveau pour débriefer le 24e et dernier Grand Prix de la saison qui a eu lieu hier à Abu Dhabi, avec pas mal d'enjeux évidemment, comme vous avez déjà prévenu la semaine dernière, puisqu'il y avait à la fois le titre constructeur qui se jouait, la 6e place des constructeurs, la place honorifique de vice-champion chez les pilotes, et puis on a vu une course plutôt animée, ce qui n'est pas toujours le cas à Abu Dhabi. Du coup, pour ce dernier débriefing en tout cas de la saison, on a fait l'équipe complète. On a dit que ce serait mieux d'être 4 pour débriefer. Donc avec moi ce soir, il y a Alex. Ça va Alex ? Ça va très bien, mais surtout ça va Manu, parce que je pense que Manu, il n'a jamais été aussi heureux depuis 26 ans. Bah c'est ça, hein, c'est incroyable. C'est vrai que c'était l'accomplissement d'une vie. Il y a également Paul avec nous, ça va Paul ? Manu qui nous annonce son départ ce soir. Ça y est, j'ai plus rien à faire. Ça va Paul ? Ouais, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour parler d'une course qui aura donc couronné une équipe différente de Mercedes ou de Red Bull pour la première fois depuis 2010, et ça aussi l'air de rien, on a eu... Un court, ce résultat historique, mais la question que toute la France se pose, Manu, es-tu sobre ? Je suis intégralement sobre, j'ai à peine touché à mon whisky hier finalement, mais je suis parfaitement lucide, mais toutefois très heureux. Et on est donc, vu qu'on est quatre, évidemment, il y a le patron, ça va Franck ? Bah écoutez, ça va, là, ça fait une demi-heure que je bataille pour essayer de récupérer mon virement bancaire envoyé à Max Verstappen, parce qu'il a shooté qu'une seule et deux McLaren au départ, donc ça m'a pas trop arrangé cette histoire. Ça coûté cher pour pas grand-chose, du coup. Bah ça m'a coûté 500 000, mais bon, genre... je peux bien lui laisser la moitié, puisqu'il n'a shooté qu'une des deux, donc... donc voilà, bah désolé pour Ferrari, mais bravo McLaren, voilà, on va en débriefer. Bah effectivement, bravo McLaren, évidemment, vous doutez bien que je suis fou de joie et je suis très content aussi parce que donc, ça a été une course remportée par Lando Norris devant les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc qui a fait une très très belle remontée depuis le fond de grille et les deux Mercedes derrière. Max Verstappen termine aux portes du top 5. On va donc comme d'habitude procéder à un débriefing de chaque équipe pour voir ce qui s'est passé un petit peu pour tout le monde depuis le week-end. On va commencer directement par McLaren, donc avec la première place de Lando Norris, la 10e place d'Oscar Piastri, qui n'est pas forcément représentatif de son vrai niveau, puisque comme Franck l'avait ordonné, il s'est fait harponner au départ, donc c'était un peu dommage. McLaren qui a dominé quand même les qualifications avec la première ligne, et qui avait eu une entame de week-end un peu plus inquiétante, c'était pas aussi net, mais Alex, on a eu une équipe McLaren globalement plutôt très forte. C'est ce qu'il disait avant le Grand Prix, on sentait qu'ils étaient quand même en confiance sur ce Grand Prix-là, c'était validé par un doublé en qualif, même si les écarts étaient très serrés, ils font quand même la première ligne, donc tout se mettait effectivement bien en place, avec en plus la pénalité de Leclerc, donc voilà, jusqu'au dimanche 14h, on se disait qu'effectivement que ça allait être une formalité, mais globalement, voilà, comme au Qatar, ils avaient aussi quand même une voiture très solide, et globalement, ça rejoint au moins cette deuxième moitié de saison, c'est globalement McLaren qui a eu la meilleure voiture. Norris n'a pas vraiment été inquiété, hein, finalement, parce qu'on n'a pas eu finalement de spectacle en soi, mais on a eu beaucoup de suspense, parce que finalement, pendant toute une course, même en faisant l'undercut, Sainz est revenu à 1 seconde 5 de Norris, et s'il avait fini devant, bah, Ferrari aurait été champion, donc on a failli avoir une bataille épique. Finalement, on ne l'a pas eu, parce qu'effectivement, McLaren avait quand même de la marge, ça s'est vu, ça récompense, donc le travail d'une année, c'est assez logique, mais pourtant, ils ont tremblé, alors qu'ils n'auraient peut-être pas dû. Ouais. C'est vrai que ça a été assez bon. La course a été quand même stressante. Moi, après, j'ai ma perspective de fan de McLaren, forcément, puisque il y a eu cet accrochage au départ. Toi, Paul, est-ce qu'à un moment, t'as pensé que justement, ça allait pouvoir tourner en faveur de, enfin, ça allait pouvoir tourner en défaveur de McLaren, ou est-ce que t'as eu quand même confiance en Norris malgré la faible avance finalement qu'il y avait au premier relais aussi par rapport à Sainz? Alors c'est vrai que je pense comme tout le monde, quand j'ai vu Piastri partir en tête à queue et repartir bon dernier du peloton, je disais que ça commençait mal, mais à partir du moment où Norris remportait la course, le titre était de toute façon acquis. C'est vrai que Sainz a été proche, surtout en début de deuxième relais, après l'arrêt, il a vraiment poussé pour essayer de revenir sur Norris. J'ai quand même eu l'impression, si tu veux, que Norris était toujours en contrôle des événements et qu'il a jamais vraiment eu un moment où il était en danger. C'est vrai que l'écart est descendu en dessous des 2 secondes, mais à ce jeu-là, Sainz a probablement trop usé ses pneus, même si c'était la stratégie à faire, hein. Il fallait pousser Norris à la faute, c'était la bonne chose. Ça n'a pas fonctionné. Norris a fait une course, en fait, le type de course qu'il a fait parfois cette saison et qu'on aurait aimé le voir faire toute la saison, une espèce de course à la Verstappen ou à la Hamilton, c'est-à-dire il part en tête. Il domine l'intégralité du Grand Prix sans être jamais menacé. Voilà, c'était du très grand Norris. Après avoir fait la pole, on a vu dès le début du Grand Prix qu'il était dans un grand jour et qu'il y avait ce 1 ou 2, voire 3 dixièmes de marge, on va dire, sur la Ferrari en permanence, qui lui permettait de rester dans une zone de confort. C'est-à-dire, oui, d'attaquer pour garder l'écart, mais en même temps pour ne pas être en danger. Donc non, je ne peux pas dire que j'ai eu peur pour McLaren, puisque comme je le disais, à partir du moment où il gagnait la course, c'était dans la poche, et Norris n'a jamais été pris à défaut. Il lui manquait le meilleur tour pour faire le grand chelem, donc c'est vraiment un Grand Prix parfaitement maîtrisé de sa part, et qui répare un petit peu ses, notamment son erreur du Qatar. Hein. Rappelons qu'au Qatar, McLaren aurait pu, voire dû, plier le championnat sans ce stop and go qui a complètement gâché la course de Norris, mais il a parfaitement rattrapé cette erreur-là en gagnant magistralement à Abu Dhabi. C'est-à-dire que si Norris maintient ce niveau sur plus de Grands Prix la saison prochaine, ce qu'il n'a pas su faire cette année, il sera incontestablement un candidat au titre à l'avenir. Mais bon, on n'est pas là ce soir pour débriefer la saison, juste pour le Grand Prix, et il a été absolument impeccable. Ouais, c'est ça, c'est vrai que ça a été, là pour le coup, il a été un peu comme on l'a vu à Zandvoort, alors moins à l'aise au niveau de l'écart, mais il a toujours maîtrisé. C'est vrai que voilà, forcément, l'inquiétude, c'est la fiabilité, parce qu'on ne sait jamais, on a bien vu justement, on a reparlé avec Ferrari après, que la fiabilité peut prendre à défaut dans les derniers tours de la saison, on va dire. Et puis, cette remontée de Piastri qui a été quand même assez impressionnante. Finalement, on peut penser qu'il aurait, il était quand même moins rapide que Norris globalement sur la course, mais on peut penser que le podium était aussi pour lui si jamais il n'avait pas été harponné, Franck. Oui, bon, après Piastri, il a toujours été un peu plus tendre aussi cette année, donc jusqu'où il aurait réussi à remonter, ça reste quand même aussi quelque chose qui restera dans les hypothèses, à mon avis, dont on n'aura pas la réponse. En course, il est toujours un peu plus lent, je pense aussi. Donc, je pense pas qu'il aurait fait une remontée à la Leclerc. Voilà, autant Leclerc m'a impressionné, pas avec sa remontée, et je pense que c'est malheureusement la mauvaise Ferrari qui a souffert de problèmes de batterie sur ce dernier Grand Prix, parce que je pense que si Leclerc avait été devant, il aurait été cherché avec un peu plus d'assistance Lando Norris que Sainz a pu le faire. Mais bon, ça reste quand même une belle course de Piastri qui a souffert certes de Max Verstappen au départ, et puis aussi après effectivement d'une autre pénalité effectivement pour avoir fait un petit peu n'importe quoi dans le peloton. Donc voilà, il a entre guillemets certes sur le premier accrochage il n'y peut rien, sur le deuxième, bon, c'est quand tu joues le titre constructeur, ça la fout un peu mal, donc je trouve pas son comportement est forcément très très très très bon pour cette finale. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire que pour ça que j'accorde plus facilement entre guillemets le titre constructeur à McLaren plutôt qu'à Ferrari, c'est que McLaren a une voiture qui était un peu plus supérieure à la Ferrari, parce que Norris était là aussi, que Piastri l'était moins. Ferrari, ils ont quand même eu deux pilotes qui étaient quasiment au même niveau tout le long du championnat, et donc pour arriver à un écart de 14 points, on peut se dire quand même que du coup la McLaren, je pense qu'elle était quand même un poil plus forte que la Ferrari, mais ça reste quand même un écart extrêmement faible sur 24 courses, hein, donc on est sur presque un demi-point par course en moyenne, en moins seulement sur la saison, donc c'était, je veux dire, dans l'ensemble, que ça aurait été l'une ou l'autre équipe, ça aurait été totalement justifié, beaucoup moins pour Red Bull, mais on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, effectivement, puis après, comme tu l'as dit, Manu, je voulais souligner, mais bon, j'ai plus besoin de le dire du coup, c'est qu'effectivement, quand vous avez plus qu'une seule voiture pour défendre des intérêts, il peut arriver n'importe quoi, hein, un débris, une crevaison, un problème de fiabilité, un tête à queue, voilà, personne n'est à l'abri d'une erreur, surtout quand vous avez Carlos Sainz qui est à la poursuite derrière vous. Alors, poursuite effectivement pas tout à fait directe, puisqu'il y avait quand même à chaque fois comme quelques secondes en général de marche pour Norris qui pour lui permettre d'assurer ses freinages, ses trajectoires et tout ça. Mais bon, s'il y avait eu plus de pression dans le DRS, on va dire, derrière d'un pilote Ferrari, je pense que la fin de course aurait pu être beaucoup plus stressante pour McLaren, même si Zach Brown est passé à bord de la crise cardiaque pendant 2 heures. Et je pense d'ailleurs que ce fameux départ dont on parlera plus tôt au moment de Red Bull aurait pu effectivement, pour le coup, vraiment condamner les chances de McLaren de manière assez dramatique. Et au passage, ça aurait créé une polémique assez énorme, je pense. Ah oui, on parlerait pas de la même façon, je pense. Non, je pense, non, moi le premier. Mais c'est vrai que ça a été globalement une bonne course pour McLaren. Et effectivement, après, sur la. Bon, On reviendra sur un débrief de saison, mais c'est vrai que comme l'a dit Vasseur, ça s'est pas forcément joué que hier. Mais bon, après, c'est vrai que moi, on va avoir rapidement passer à Ferrari de toute façon, parce que McLaren, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Mais Ferrari, pour le coup, donc il termine deuxième et troisième, Carlos Sainz et Charles Leclerc. C'est vrai que donc Leclerc a eu une pénalité de 10 places sur la grille pour un changement de batterie. Il y a eu un tour effacé en Q2 qui le condamne à partir en fait du fond de grille. Il part 19e entre les deux Williams qui étaient elle aussi pénalisées. Et du coup, il a fait cette remontée que pour moi est incroyable. Il fait une course vraiment absolument folle hier. Mais est-ce que, justement, il y a cette question, est-ce qu'il aurait pu, lui, aller, c'est aussi une question que peut-être pas dans le chat, est-ce que Norris aurait gagné si Leclerc avait été derrière? Et moi, je pense effectivement que quand on voit même la frustration de Leclerc quand on lui a dit que Sainz était à 7 secondes de Norris, je pense qu'il était frustré d'avoir l'impression d'être le seul à essayer de défendre l'échange jusqu'au bout. Et je pense qu'il aurait attaqué Norris beaucoup plus que l'a fait Sainz, comme tu l'as dit, Franck. Mais effectivement, après, peut-être que Sainz n'aurait pas fait une remontée aussi bonne vers la troisième place non plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il part 19e, mais qu'à la fin du premier tour, il est 11e, Charles Leclerc, après un premier tour où il a été à la fois opportuniste, à la fois brillant, parce qu'il a fait des dépassements, il dépasse 5 voitures en un virage. Et chanceux aussi. Ouais, et chanceux aussi, puisque effectivement, il évite les mauvaises trajectoires et les freinages d'urgence, donc ça, c'est pas mal. Mais voilà, c'est vrai que ça a été assez impressionnant. Bah Franck, justement, toi, oui. Alors, qui espérait un titre Ferrari, est-ce que tu penses que dans le scénario inverse, Ferrari aurait eu le titre, ou est-ce que tu penses quand même qu'il aurait manqué quelque chose à partir du moment où il y a cette pénalité? Alors dans le scénario inverse, en comptant que tous les autres paramètres restent les bons, c'est-à-dire une McLaren qui dégage au départ et tout, oui. Ça, Leclerc à la place, donc on voit juste Leclerc à la place de Sainz. Ouais, je pense qu'effectivement, en tout cas, la pression aurait été bien différente sur Norris, clairement. La pression aurait été bien différente sur McLaren. Donc oui, effectivement, ça aurait pu changer les choses. Après, je crois que Piastri quand même était remonté assez haut dans le classement pour que ça change pas forcément l'issue pour le titre. Si Leclerc avait été devant Norris, je crois que ça nous faisait du coup du 25-15, ça faisait 40 et 18 et 1, 29. Je crois qu'on était encore sur les 21 points. Donc oui, voilà, le record du tour pour le coup, enfin le meilleur tour en course aurait pu effectivement jouer un rôle là. Mais c'est, oui. ça aurait été vraiment à égalité parfaite et du coup ça se serait fait au nombre de victoires. Et ça aurait été assez dingue. Mais ouais, voilà, un peu. Un deuxième place, hein, parce que je crois. Oui, c'est ça. Donc, non, là, pour le coup, ils étaient égalité. Hein, Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, pour moi, bah, après, c'est aussi ça, la Formule 1. C'est-à-dire que, bon, on peut se plaindre tous d'une batterie qui a eu un problème, mais c'est aussi ça, la Formule 1, de côté technique, il faut savoir faire des batteries qui tiennent. En tout cas, c'est deux batteries pour la saison. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez trop poussé dans votre technique, et donc, du coup, bah, c'est que vous ne méritez pas aussi, sur cet aspect-là, le titre. Donc, c'est aussi un paramètre, malheureusement, à prendre en compte, même si ça a frustré effectivement, je pense, beaucoup de fans en Italie. D'ailleurs, je voudrais juste souligner que je trouve que la presse italienne, j'avais déjà un petit peu parlé de ça, mais la presse italienne a vraiment lâché la grappe à Ferrari sur cette année-là, malgré les enjeux comme de fin de saison qui étaient quand même assez énormes. Alors, certes, un titre constructeur, c'est pas un titre pilote, ça suscite pas les mêmes passions. Mais je trouve quand même que ça a été quand même assez bien mis en avant par la F1, par Jean-Jean, voilà, qu'on parle un peu de ce titre-là en séparé du titre pilote. Et voilà, il n'y a pas eu la pression effectivement habituelle de la presse italienne. Et même là, aujourd'hui, lundi, j'ai regardé un peu les titres. C'est-à-dire, personne n'en veut à Vasseur de ne pas avoir décroché le titre constructeur ce week-end. Donc voilà, je pense qu'ils sont tous un petit peu déjà dans le mood Hamilton-Leclerc 2025. Sur la lancée de ce qu'on a eu cette saison et des progrès qui ont été faits sur la Ferrari, je pense que c'est plutôt là qu'on va les attendre au tournant, à mon avis. Je me permets juste d'intervenir, Manu. Je suis pas 100% d'accord avec tout ce que vous venez de dire sur Leclerc, Sainz et tout ça. Alors, est-ce que Leclerc aurait été plus rapide que Sainz à sa place? Peut-être. Il y a beaucoup de raisons de penser que ça aurait été le cas. Le point d'interrogation, c'est quand même à quel point Norris avait de la marge en tête de course. On sait très bien que quand vous êtes en tête d'un Grand Prix, que vous suivez votre rythme, c'est beaucoup plus facile de gérer que si vous suivez quelqu'un, vous êtes dans l'air sale. Surtout que là, vous voyez qu'à Abu Dhabi, même quand vous étiez à 2 ou 3 secondes de la voiture qui vous devançait, ça devenait difficile. Donc, est-ce que Leclerc aurait pu faire mieux que Sainz? Peut-être, mais de là à l'affirmer, j'en suis pas sûr. Sainz a essayé quand même. Il a essayé en début de deuxième relais, il est revenu à 1 seconde 5, on l'a dit. Et puis, bah, c'était un peu qui tout double. Si tu attaques trop fort en deuxième relais, il y a des chances que tes pneus s'usent plus vite. Mais il a essayé, donc on ne peut quand même pas lui enlever ça. Et deuxième chose, alors oui, la pénalité de 10 places, c'est malheureux. C'est pas de chance pour Leclerc. Ça aurait pu arriver à Sainz, ça lui arrive à lui. Maintenant, je me permets quand même de souligner qu'en Q2, bah, il a un tour effacé. Ça, c'est plutôt de sa faute quand même. Et que bah, c'est aussi une erreur de sa part. Donc bon, il a fait un premier tour d'anthologie, hein, donc je suis sûr qu'on va en bouffer pendant un petit moment sur YouTube et tout ça. Bah, c'est mérité, hein, c'était vraiment un premier tour absolument extraordinaire. Mais il y a aussi cette petite erreur en Q2, et je suis vraiment, comme je disais, pas persuadé que Leclerc aurait à ce point-là pu mettre la pression à Norris. J'avais l'impression que Norris était vraiment en contrôle des événements, que si Norris était revenu à une seconde et demie, il aurait très bien pu aussi rehausser un peu son rythme pour rester en dehors du DRS. Donc, évidemment, avec Dessy, on refait l'histoire, mais je maintiens ce que je disais au début. Pour moi, Norris était en parfait contrôle, et quel que soit le pilote derrière lui, je pense qu'il aurait gagné le Grand Prix. Et toi, du coup, Alex, est-ce que tu es plutôt de la team ça aurait changé les choses ou ça n'aurait rien changé? Est-ce que je pense que ces questions-là, je veux dire, les conditions, elles varient toujours. Et si Piastri avait été là, est-ce que ça aurait pas été plus facile aussi pour McLaren de marquer des points pour gérer la course? Donc, moi, je pense que Norris aurait quand même eu, voilà, une petite longueur d'avance, à mon avis. Mais il ne faut pas oublier que voilà, Leclerc, il avait aussi ses nouvelles batteries, il a pu aussi bien l'user. Donc, ça a dû jouer en termes de facteurs. Ouais, c'est vrai que c'est probable, hein, de toute façon, effectivement. La batterie n'est pas censée apporter la performance. Hein. C'est. Puisque c'est le moteur électrique derrière. Est-ce que ça joue pas sur la fiabilité? Moi, j'ai tendance à penser que ça joue quand même sur la. Comment dire? Pas sur la puissance elle-même, mais sur la manière dont l'énergie passe, en fait. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus de pêche sur la voiture, mais je sais pas. Après, c'est pas. Vu qu'ils étaient quand même à l'agonie depuis le Qatar, je pense que ça a peut-être aidé à ce que la voiture fonctionne mieux globalement. Ils peuvent pas sortir plus de chevaux du moteur électrique, hein, je veux dire. Donc, non, ça c'est sûr. Logiquement, il n'y a pas de raison qu'il y ait, avec une batterie qui est censée faire quand même 12 courses, quand même, parce qu'on est sur 2 batteries par saison dans le quota. Il n'y a pas de raison que sur une course on puisse la faire. Il n'y a pas de survoltage ou autre, quoi, je veux dire. Ils ont remis la batterie de 2019, peut-être. Il faut demander ce que ça sentait au niveau du carburant du moteur. But... Donc, ouais, non, je vois pas de différence particulière. Donc. Pas sur la batterie là pour le coup, ce serait pour moi c'est une théorie un peu de l'absurde là sur le fait de dire que comme il a une batterie neuve il avait plus de pêche. Non pour moi c'est plus de comment dire, pour moi c'est juste un meilleur fonctionnement de l'hybridation complète en fait, qu'il y ait plus d'efficacité dans le système complet, mais je sais pas à quel point ça représente de la performance en fait, vu que tout est minime en F1, je suis pas sûr que ça représente énormément de perf. Non. Parce que de toute façon, les moteurs électriques sont quand même encore assez limités en F1. Ce sera peut-être beaucoup moins le cas en 2026 avec du 50-50 thermique électrique, où là, effectivement, il faudra une batterie qui sera capable d'envoyer une sacrée dose de puissance pendant un bon bout de temps. Là, ça reste des moteurs qui font, je crois, entre 250 chevaux, je crois, ou 300 chevaux en électrique. C'est 250 chevaux. Ouais, c'est ça. Donc, au lieu de 160 avant, ça reste quand même des choses assez limitées, on va dire. Parce que du 250 chevaux électriques, vous en avez tous dans vos voitures de route. Pour ceux qui sont en électrique, c'est quasiment le minimum syndical aujourd'hui, à part si vous avez une petite citadine pour diminuer les prix. Mais voilà, entre 200 et 300 chevaux, c'est ce que vous trouvez grosso modo dans une voiture de route. Donc, avec les grosses batteries extrêmement performantes qu'ils ont, il n'y a pas de raison qu'une batterie un peu usée comme ça, elle apporte plus ou moins de perf. En tout cas, scientifiquement parlant, ça il n'y a pas vraiment de justification. Bon, on va pas passer une demi-heure sur la batterie de Leclerc. On remercie Joki qui a pris un abonnement, sixième mois d'abonnement, et MacBo qui poste pour la première fois dans le chat. Effectivement, on va pouvoir passer à Mercedes, puisque Mercedes, ça a été un week-end un petit peu comme d'habitude, hein, on ne sait pas trop où on en est, puis finalement, à la fin, il y a des points, mais on ne sait pas trop pourquoi. Très très belle remontée de Lewis Hamilton qui s'est qualifié, qui a été éliminé en Q1. Alors c'est sa troisième élimination en 6 courses en Q1, avant ça il avait fallu 171 courses pour faire 3 éliminations en Q1, donc on voit quand même la fin de saison a été catastrophique, et pas que de son côté, parce que très souvent ça a été à cause d'un mauvais timing, et par contre effectivement grosse remontée jusqu'à la 4ème place en course, depuis la 16ème au départ, et George Russell termine 5ème après être parti 6ème, et lui c'était... Il n'y avait pas vraiment de rythme, c'était un peu compliqué. Il n'a pas trop résisté sur le dépassement à la fin, mais même globalement, il a dit que ça manquait de performance. Donc finalement, est-ce que c'est pas une course particulièrement typique pour Mercedes, un week-end typique avec pas vraiment de performance explicable, Alex? Oui, c'est ça. Ils sont un peu revenus à l'ère standard de quatrième meilleure équipe avec une sorte de no man's land. à l'image un petit peu de leur saison. Il faisait sans doute pas assez froid comme à Las Vegas pour que les Mercedes puissent déployer leur potentiel. Donc à part ça, c'est vrai que ça reste un week-end compliqué à comprendre. Finalement, c'est quand même Russell, même si Hamilton a été sorti en Q1, on reviendra. C'est Russell qui en course n'a pas semblé vraiment comprendre sa Mercedes. Bon voilà, ça sera une Mercedes totalement oubliable qu'on peut jeter à la poubelle ou presque. J'aimerais préciser deux choses, Manu, sur le week-end de Mercedes. Alors, l'élimination en Q1 de Hamilton, ça n'explique pas tout. Mais Rabou qui fait les quatre derniers virages avec la quille sous la voiture parce que Magnussen a shooté une quille. Et que, bon, on peut imaginer que ça fait perdre un ou deux dixièmes quand même minimum sur les quatre virages. Ça aurait été ric-rac, hein, de toute façon, il n'était pas dans le pot en qualif, mais il serait peut-être passé en Q2 au minimum. Et concernant la course, c'est vrai qu'il remonte de très loin. Je pense qu'il a été aussi, il a été brillant, mais il a aussi été aidé par le fait de partir en dur et de finir en médium, soit l'inverse de la majorité du plateau, dont Russell. Et la Mercedes en médium en deuxième partie de course, bah, elle volait vraiment parce que le médium a très très bien tenu. Et le dur n'offrait pas non plus énormément de performance. Donc ça explique pas tout sur le fait que Hamilton ait finalement déposé Russell, hein, littéralement dans le dernier tour, mais il y avait quand même un énorme avantage pneumatique pour Hamilton. Mais encore fallait-il très bien gérer ce premier relais en dur, ce qu'il a fait encore une fois à la perfection. Ouais, c'est vrai que ça a été globalement très très bon. Et puis effectivement, il a bien exploité ses pneus médiums à la fin. Il a été très très rapide. Il fait une belle remontée sur Russell parce qu'il pointait quand même à près de 20 secondes. Et finalement, bon, c'est vrai que Mercedes voilà, finit pardon, en quatrième force de la saison. Alors, ils finissent tous les deux devant les Red Bull, donc ça, c'est quand même peut-être aussi un signe, même si Verstappen a été pénalisé, que Red Bull était vraiment en chute de performance quand même globalement sur la fin de saison. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a eu, chez Mercedes. Chez Mercedes, il y a eu à la fois les complications en piste, mais il y a aussi eu cette espèce de grosse passe d'armes avec Red Bull, justement, qui a eu lieu plutôt dans le week-end. Je ne sais pas par où commencer, parce que finalement, ça a commencé avec George Russell et Max Verstappen qui se sont pris la tête au Qatar la semaine dernière, on en avait parlé. Et puis, on a eu la suite tout au long de la semaine, hein, ça a duré un petit peu des déclarations des deux pilotes. Franck, est-ce que tu veux faire un résumé un petit peu des belles choses qui ont été dites entre les deux, et puis après entre leurs patrons respectifs? Oui, alors le résumé va être assez rapide, hein, effectivement, mais ça commence quand même par Verstappen qui était l'invité de la conférence de presse de la FIA jeudi et qui a du tout été interrogé pour le fait qu'il avait perdu tout respect pour Russell, ses propos au Qatar, enfin après le Qatar. Donc c'était après l'arrivée de la course, donc du coup effectivement il n'y a pas eu trop d'interaction entre les pilotes, et du coup en arrivant sur le circuit jeudi en conférence de presse, évidemment il a été interrogé sur cette déclaration là et il a vraiment, voilà, Verstappen a vraiment dit qu'il avait été extrêmement surpris de la véhémence de Russell devant les commissaires, quoi, qu'il a vraiment cherché à tout faire, à l'enfoncer pour qu'il se fasse pénaliser, alors que on rappelle quand même que les deux pilotes étaient dans des tours de préparation, même pas dans des tours rapides, donc bon, en général, voilà, se gêner sur ces tours là c'est en général pas bien grave, même si là il y avait un petit élément de danger, mais voilà, il a dit qu'il avait vraiment été impressionné par le caractère extrêmement fort de Russell devant les commissaires. Il l'a même accusé d'avoir menti. Et donc voilà, ça a vite fait le tour du paddock, puisque Mercedes a convoqué derrière une conférence spéciale juste pour George Russell, pour qu'il puisse répondre. Il a été accompagné à ce moment-là par Toto Wolff. Et à ce moment-là, par contre, on a vu un George Russell qui s'est lâché comme jamais. Je crois ça faisait quand même quelques années. Je crois même d'ailleurs que la dernière, c'est toi qui l'avais souligné, la dernière réponse aussi violente d'un pilote à un autre, c'était d'ailleurs aussi entre Russell et Verstappen à Bakou en 2023. C'est ça, le jour du sprint, voilà. Ouais, c'était accroché. C'est ça. Ou alors là, par contre, voilà, Russell, il a déballé tout ce qu'il a pu déballer sur Verstappen. Je veux dire, on sentait un peu le poids sur les épaules à vider un petit peu. Et il a même, bon, quoi, du coup, il a révélé surtout la phrase choc qui aurait pu effectivement peut-être aller plus loin du côté de la FIA. C'est en gros, voilà, que Verstappen l'avait menacé d'aller le mettre dans le mur. Alors, la traduction exacte, c'est put on your head and in the wall. Donc, ça veut dire d'abord mettre la tête à l'envers et ensuite dans le mur. Parce que beaucoup de médias ont abrégé en me mettre dans le mur. Voilà, donc en gros, c'est d'abord, que je te mette en tonneau ou pas, bref, je te fous dans le mur. Voilà, ouais, c'est ça. on va simplifier la chose. Et bon, et là-dessus, bon, je casse le spoil tout de suite. La FIA n'a pas cherché à enquêter plus que ça, parce que ça reste parole contre parole, à mon avis. Et donc voilà, donc il a vraiment commencé un petit peu à parler d'ironie côté de Verstappen, d'intimidation surtout. Voilà, c'est surtout ça. Il a dit que voilà, il était un petit peu peut-être l'ardent défenseur des autres pilotes, lui, directeur du GPDA, peut-être, sur le fait que Max intimide les gens depuis des années. Et puis là, voilà, et puis il a même dit carrément que si ça avait été Verstappen à la place d'Hamilton à Abu Dhabi en 2021, Massi aurait pu craindre pour sa vie. Voilà, encore pour dire un petit peu comment voilà, la brutalité de Verstappen peut être perçue dans le paddock, en tout cas même par ses collègues pilotes, donc c'est quand même assez fort, quoi. Donc voilà, je sais pas si. Voilà, mais après, voilà, ça n'a pas donné à plus que ça, en tout cas entre les deux. Après, effectivement, entre les patrons, c'était autre chose. Après, avant de passer au patron, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Donc, je veux dire, si je peux me permettre, vu comme il a insulté les commissaires pour 10 secondes de pénalité, je me dis que ouais, pour un déroulé à la 2021, il aurait pu être plus violent, mais bon. Bah oui, ouais, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Hein. Bah, au Rwanda, c'est en Corée du Nord qu'il faudrait aller après. Non, effectivement, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je sais pas, Paul ou Alex, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais... Non, enfin, moi je me demande si c'est pas un petit peu aussi. Bon, Russell n'a pas encore eu l'occasion de jouer dans sa carrière. Est-ce que tout ça, alors, c'est pas dire, je dis pas qu'il a dit tout ce qu'il a dit pour devenir ce que je vais annoncer maintenant, mais je me demande si Russell est pas en train un petit peu aussi de s'affirmer un petit peu plus dans le paysage de la F1 en montrant son caractère. Bon, Verstappen, on n'a pas besoin de le présenter, mais Russell, voilà, qui est devenu le patron chez Mercedes, même si Hamilton, on a vu encore ce week-end, est capable de le battre, c'est quand même globalement Russell qui est devenu le chef chez Mercedes. Et je me demande un petit peu si c'est pas aussi une façon pour lui de s'affirmer en tant que personnage, pas seulement en tant que pilote, mais de personnage, et c'est une question que je me pose de volontairement un petit peu, voilà, non pas mettre des braises sur le feu, mais de se créer un personnage avec une rivalité avec Verstappen. Voilà. C'est une question que je me suis posée, j'ai aucune preuve là-dessus, et puis c'est pas forcément quelque chose qui a prêt à durer, on verra, hein, ça se trouve ils feront la PD la saison prochaine, mais l'air de rien, les propos ont été tellement forts, je me demande si c'est pas un peu une façon d'une rivalité naissante en F1, même si ce sont deux pilotes qui ne sont pas encore réellement affrontés en piste dans la mesure où ils n'ont pas eu des bonnes voitures, forcément au même moment dans leur carrière jusque-là, mais qui sait, c'est peut-être amené à devenir une rivalité plus persistante à l'avenir. Oui, après, de toute façon, ils l'ont dit, enfin, même Verstappen, il a évoqué un petit peu à la fin du Grand Prix aussi que, effectivement, il se verrait forcément à Monaco, que ça allait s'apaiser, pardon, et que, forcément, je pense qu'effectivement, au début de l'année prochaine, on en parlera plus. Par contre, effectivement, pour ceux qui espéraient un duo Verstappen-Russell chez Mercedes, c'est peut-être pas pour 2025, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, mais moi, je te rejoins, Paul, sur ton analyse, effectivement, c'est que Russell, il a l'occasion peut-être de prendre le lead un peu plus, de manière un peu plus affirmée, aussi par des prises de position assez fortes, et je ne sais pas s'il jouera le titre l'année prochaine, si la Mercedes reste toujours aussi inconstante et incohérente à piloter, ça me paraîtra bien difficile par rapport au Red Bull, McLaren et Ferrari, mais oui, pour moi, il y a une question de prise de position, et puis après, il faut noter quand même que les pilotes ont essayé d'un petit peu d'amadouer la chose avec le petit dîner du GPDA le jeudi soir où sont tous installés. C'est Russell qui est arrivé en dernier. Ils avaient laissé deux places de libre, apparemment, une de chaque côté de Max Verstappen. Il est arrivé, il a pris sa chaise et il est allé s'asseoir à côté de Lewis. Bon, ça aurait pu faire justification, ouais, ces derniers Grands Prix de Lewis, tout ça, machin. Je pense que ça met de toute façon, avec le temps, on peut tout arranger. Norris et Verstappen, c'était très chaud à un moment donné, hein, si on se souvient. Hein. Et là, c'était les meilleurs amis. Moi, j'ai bien aimé Verstappen qui disait sur l'accident de Piastri, c'est la dernière personne avec laquelle on voudrait se cracher. Mmh. Voilà, c'était sous-entendu parce que Piastri au moins, la ferme. Hein, j'ai compris ça. Après, sur la photo du GPDA qui a eu lieu vendredi ou samedi, ils étaient côte-côte vers Russell et Verstappen. Je pense que ça va même regarder avec Hamilton. Enfin, regardez d'où on vient, d'où on sort, d'où on revient avec Hamilton. Oui, oui, tout à fait. Il y a du respect. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu maladroites. Mais je donne pas tout à fait comme tort à Russell sur pas mal de ses propos. Peut-être pas sur le fait que Massi craignait pour sa vie, mais sur le fait qu'effectivement, il y a de l'intimidation un peu derrière et du... En gros, pousse-toi de là, j'arrive. C'est un petit peu la méthode Max, hein, en général. Donc, oui. Et c'est pas qu'en piste aussi non plus, donc oui, Russell n'a pas 100% tort dans ses déclarations. Après, ce qui passait dans la salle de commissaire au Qatar, ça, malheureusement, il n'y a que les deux qui étaient, plus les commissaires qui peuvent en témoigner, quoi. Surtout qu'apparemment, l'échange le plus chaud a eu lieu après quand ils sont sortis de la salle, donc c'est compliqué. Ça. Par contre, Philou le Fou dans le chat dit Verstappen est très colérique, mais Russell est malsain à tout balancer à la radio dès qu'il y a un track limite, etc. Ce mec est toxique. logique. Excuse-moi, mais est-ce que tu as regardé une course de Verstappen? Est-ce que tu as vu le nombre de fois où il balance? Je veux dire, la semaine dernière, il balance Norris. Et avant ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, il le balance aussi. Donc là-dessus, les track limits, tout le monde le balance. Je sais pas pourquoi tu cibles. Ils se balancent tous. Ouais. Tout le monde balance tous. Évidemment. C'est par contre, c'est là qui dit Russell, le pilote le plus surestimé du plateau, il avance pas en course. Il avance pas en course, il a quand même plus de points qu'Hamilton à la fin de la saison. Je veux dire, c'est qu'il a quand même été pas si mauvais en course. Donc, je 19,5 pense... en qualif. Hein. Et en qualif, c'est vraiment violent. Et en course, oui, en course, Hamilton partait souvent plus loin, etc. Mais le fait est que Russell a fait une excellente saison et qu'il a en face de lui Hamilton. Donc, de toute façon, c'est quand même très très bon. Russell Hamilton sur 3 saisons, c'est juste 2 points d'écart en cumul, en cumul des points. Et ce qui est une très belle performance de Russell, hein, parce que quand même face à un Hamilton, encore une fois. C'est le premier coéquipier à battre Hamilton 2 fois. Hamilton, ouais, effectivement, Hamilton a plus de points, je crois 2 points de plus, effectivement, sur l'ensemble des. C'est un peu plus, pas loin de 690 ou un peu plus de 690, je crois. Je crois que c'était 685 à égalité avant la course. Donc, rajouter ce qu'ils ont marqué pendant le Grand Prix. Et donc, voilà, on est quand même à 2 points près. C'était presque le duo parfait hein, pour Mercedes. Même si tout le monde prédisait, je vous souviens, je me rappelle très bien qu'il y aurait des étincelles entre les deux Britanniques hein, dès 2022. Puis finalement. Bon. Il n'y a pas eu quand même beaucoup de couacs entre eux, donc ça s'est quand même plutôt très bien passé. Ils ont tous les deux décidé d'avoir des problèmes avec Verstappen chacun de leur côté, et puis comme ça, c'était plus simple. J'aurais demandé à voir en cas de lutte pour le titre quand même, Franck. Oui, on aurait peut-être eu une autre histoire, mais c'est vrai que ça s'est très bien passé. Déchiré, évidemment qu'il se serait déchiré. Mais je pense que ça aurait été moins pire qu'un Hamilton-Rosberg, par exemple. Tu vois. Je sais pas. Oui, c'est deux générations différentes aussi. Rosberg-Hamilton, c'était des amis d'enfance. Oui, même âge, exactement, carrière. Non, pas une carrière similaire, mais ils étaient au même stade de leur carrière, vraiment. Hamilton-Alonso, c'était très différent en termes de carrière aussi. Hein. C'est vrai, aussi. C'est vrai qu'Hamilton Rosberg a un côté aussi un peu plus personnel. Voilà, Rosberg, le fils de papa qui a eu tout dans son enfance, comparé à Hamilton qui en a souvent parlé, qui dormait sur le canapé avec son papa de temps en temps. Il y avait aussi un peu de rancœur, voilà. Mais bon. Ils étaient vraiment meilleurs amis pour le coup. Ils voyageaient à travers le monde ensemble. Ils se sont affrontés dans les formules de promotion avant d'arriver en F1. Enfin, il y avait une histoire commune très très forte qu'il n'y a pas entre Russell et Hamilton. Et Russell en plus. Il a ce côté Hamilton, c'est un peu le grand frère, c'est le meilleur pilote de tous les temps. Bon, alors évidemment, en disant ça, il soigne aussi son bilan, parce que s'il dit qu'Hamilton est le meilleur pilote de tous les temps qu'il bat, bon, c'est bien pour lui aussi. Évidemment, c'est la technique Alonso, ça. Hein. Évidemment. mais il y a malgré tout un respect, et on le sent sincère, pour le coup, de la part des deux pilotes, je trouve qu'il y a eu un respect. Encore une fois, j'aurais beaucoup aimé les voir se battre pour un titre, et je pense que l'histoire aurait pu être bien différente. Mais ça n'a pas été le cas, donc réjouissons-nous pour Mercedes, qui au moins n'aura pas eu ce souci à gérer. En tout cas, voilà. Belle... Si Renoir nous entend, ça peut faire un bon rush 2. C'est vrai. Après, tu citais. Vas-y, Franck. Non, vas-y. Non, je disais, Alex, tu citais Alonso Hamilton chez McLaren, mais le problème, c'est qu'à l'époque, ils avaient Ron Dennis qui organisait quasiment des combats entre eux pour s'amuser, donc forcément, c'était un peu compliqué aussi. Ah, je pense qu'il n'y a pas besoin de Ron Dennis pour qu'il ait des étincelles. Non, c'est vrai. Je veux dire, sacré Ron. Le titre mondial, ça fait mal. Ron a eu à gérer un Prostena quand même, ce qui était quand même encore d'un autre niveau. Hein, donc, c'est Hamilton Alonso à côté, c'était rigolo, sauf que effectivement, il y a beaucoup plus de traces qui sont laissées dans l'époque moderne que l'était à l'époque de Prostena, où c'était beaucoup plus parole contre parole. Maintenant, quand vous avez des papiers, des emails et tout ça, des photocopies à cette époque-là, c'est aussi. Ça. c'est beaucoup plus facile de nuire à votre patron que ça n'était à l'époque. Ouais. Non, voilà. Après, pour conclure ce chapitre Mercedes, je trouve quand même que c'était une très jolie fin d'épopée d'Hamilton chez Mercedes. C'est vrai qu'on a presque fait un cérémonial d'adieu. J'allais dire, est-ce que vous aussi vous avez l'impression que c'est la fin de sa carrière ou pas? C'est ça, exactement. Alors en fait, moi je me suis pas intéressé comme. Alors je sais qu'effectivement la télévision ça a pu être perçu comme ça. Bon, nous on est un peu dans le rush de l'écriture et du recueil des déclarations, ce genre de choses. Donc effectivement, c'est. On l'a peut-être moins perçu sur le moment, on a peut-être moins fait attention. Mais oui, après en regardant un peu plus en détail, ouais, effectivement, on aurait dit que le gars allait quitter la F1. Quoi. Ah ouais. Et bon, après ça mérite quand même. Hein, je veux dire, bon, 12 ans chez Mercedes, 6 titres mondiaux. Presque 7 si on si on en a rajouté 2021. Et voilà, parce que tout le monde, il y en a beaucoup qui l'appellent l'octuple champion du monde quand même, hein, sur les réseaux sociaux, il y en a quand même beaucoup qui l'appellent l'octuple champion du monde quand même. Donc, et je ne peux pas forcément leur donner tort, même si je ne donne pas forcément raison non plus. Enfin, moi, j'ai toujours été 50-50 là-dessus. Mais non, c'est très bien de marquer le coup, comme on a pu le faire pour Alonso, qui a fait aussi ses petits donuts après son épopée chez McLaren. Parce que là, pour le coup, on ne pensait vraiment pas le revoir en F1. Et puis voilà, non, c'était sympa. Et puis il a fait une bonne dernière course avec une belle remontée. Ce que disait Wolf, c'est presque ça l'a presque plus mis en joie de le voir aussi bagarreur et remonter comme ça que s'il avait eu juste à gérer une course en tête, quoi. Même si je pense qu'il aurait aimé finir sur le podium ou avec une victoire, c'était pas forcément très réaliste. Je pense que c'est tout ce qui manquait finalement pour que la fin soit parfaite, c'était un podium. Mais je vous rejoins, c'était sympathique. J'ai pas trouvé qu'ils en avaient non plus fait des tonnes. Ils en ont fait beaucoup, évidemment. On parle du pilote qui a le plus grand palmarès de l'histoire et qui, n'oublions pas évidemment, le pilote le plus bankable de la grille. Et c'est pas prêt de changer maintenant qu'il va chez Ferrari. Donc j'ai pas trouvé que c'était too much. Après tout, on a bien offert à Guanyu une tribune spéciale pour la fin du Grand Prix de Chine. Bon, un côté énorme. Et c'était pour une 14e place, c'est vrai. Et c'était pas non plus disproportionné, tu vois, le premier chinois à disputer un Grand Prix à domicile, je trouvais pas non plus démesuré, on va dire, comme célébration. Là, ils en ont fait un peu plus pour Hamilton, ce qui évidemment est normal. Donc moi, ça m'a pas dérangé. Autant des fois, je trouve qu'on en fait trop. Là, ça allait. Ils ont célébré la carrière d'Hamilton chez Mercedes comme il se devait, mais c'était pas trop. Ouais, après, ça aurait pu. Ça aurait pu. On sait que la F1 aime bien en faire trop. Là, ça allait. J'aurais trouvé ça un peu trop s'ils avaient, par exemple, organisé une petite interview sur la grille pour lui. Oui. Parce qu'on s'y est attendu un moment, puis finalement il est parti dans son garage. Par contre, là où la FOM a pêché, et je reviens un peu sur McLaren, c'est qu'ils auraient quand même pu interviewer Zak Brown avec des mots en direct du vainqueur du titre constructeur. Quand même, je trouve que ça aurait été quand même. Surtout qu'il était là, il était avec le top 3, donc je trouve extrêmement dommage que Zak Brown n'ait pas eu une interview entre guillemets officielle à la télévision, qu'il a fallu se contenter de déclarations données à d'autres télévisions, quoi. Voilà. Oui. Juste puisque tu parles d'interview, Franck, je crois justement qu'Hamilton justement a peut-être refusé une interview juste après course. C'est ce que j'ai entendu sur la télé espagnole, en tout cas que je regardais, puisqu'il devait parler avant ou juste après les trois pilotes sur le podium. Et je crois qu'il a. Il était beaucoup tard dans le garage Mercedes, en fait. Il a fait une photo avec chaque employé. Garage, moteur Mercedes. Oui. Il est allé dans le garage et en fait, il a accueilli tous les employés pour avoir fait une accolade et une photo avec. Donc, là-dessus, de toute façon. Les pilotes dans son genre, les grands pilotes, les plus grands pilotes de l'histoire, sont toujours des formidables team leaders et je pense qu'il en fait partie. Bref, il ne fait que changer d'équipe. Oui, c'est ça. On le retrouvera en février pour les essais. Pour la grande et quelle équipe ? En tout cas, sa mère adieu que les adieux de Ocon avec Alpine. Hein. Est-ce que c'était difficile ? On y reviendra parce que là aussi, je vous fais du teaser, mais il y a encore eu des petites dégueulasseries d'Alpine, donc on y reviendra. Je pense qu'on a fini. Un bon petit chapitre Red Bull là, quand même à venir maintenant. Ouais, c'est pour ça. On va passer à Red Bull. Verstappen termine 6e. Sergio Perez a abandonné. C'est pas de sa faute cette fois-ci. Il partait dans le top 10. Il s'était pas pris une trop grosse rouste en qualification. Il prend que 3 dixièmes. Donc c'était pas si mal. Mais il a été victime d'un Bottas un peu trop fougueux au départ. Et puis donc il a abandonné. Pendant que Verstappen lui a été beaucoup trop fougueux lui-même et n'a pas abandonné. Donc quoi, la vie est parfois injuste. Mais finalement, donc Verstappen est reparti un peu en dehors du top 10. Il est remonté jusqu'à la 6e place. Cette attaque, je prends un peu la parole, parce que Peter, je vous la donne pas mal, mais pour moi, cette attaque est inadmissible. C'est-à-dire que tout le monde le sait, quand il y a un titre en jeu, c'est pas qu'on ne laisse pas, on ne se bat pas, c'est qu'on se bat proprement. Sauf que visiblement, Max Verstappen n'est toujours pas capable de le faire. Donc, moi, c'est vraiment un gros problème que j'ai avec lui, que je le dis depuis le début. Et là, ça montre que finalement, il est derrière, il a décidé d'attaquer, il n'y a pas la place, il est loin derrière, la porte est déjà fermée. Et il y va, et après il se rend compte qu'il y allait trop tard, trop vite, et il freine trop fort, il ne freine pas, il tape la voiture, et c'est scandaleux, et il prend 10 secondes, et il ose encore insulter les commissaires derrière, et moi pour moi, c'est le résumé en 5 tours de la problématique Max Verstappen. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui réfléchit pas tout le temps à ses actions, malgré le fait que ce soit un pilote très intelligent et le meilleur pilote du monde, mais il réfléchit pas tout le temps à ses actions, et quand il réfléchit pas, il est incapable de reconnaître ses torts. Donc là, ça va, ça n'a pas eu d'impact. Je peux vous dire que s'il avait vraiment ruiné le titre de McLaren à cause de ça, je pense que ça aurait été un scandale absolu et que là, ça n'aurait pas du tout la même chose en termes de contenu d'émission. Donc moi je suis enfin voilà, Piastri prend son virage de manière totalement normale, Verstappen est loin derrière et en fait à aucun moment il a à venir accrocher la McLaren. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un avis différent, si vous pensez que... Parce que j'ai aussi vu beaucoup de gens sur les réseaux qui m'ont dit « Oui, mais on ne peut pas ne pas se battre, y a pas, sinon on fait que 4 voitures, on met que 4 voitures sur la grille, mais il y a quand même toujours une espèce d'accord tacite pour favoriser les champions. » Je me souviens de 2012 quand Vettel se laisse en tête à queue au début d'Interlagos et après il remonte dans le peloton, mais il y a beaucoup de voitures qui s'écartent et qui ne vont surtout pas interférer dans le duel. Alors certains diront « Oui, mais c'était le titre pilote », mais non, là, je pense que c'était aussi important et c'était le seul à jouer et Verstappen ne jouait rien. Donc non, moi je souscris totalement à ce que dit Manu. Tu ne dois pas. Et, donc on peut s'étonner que la FIA n'a pas laissé d'enquête quand même pour le Stupid Idiots qui a été lancé à la radio par Verstappen. Hein. Moi je verrais bien pour marquer le coup de 5 places de pénalité au Grand Prix d'Australie dans 97 jours. Oui. Trop tard maintenant. Non, bah Verstappen, il a... Bon, c'est dommage que Norris... MBS peut changer les règles comme il veut maintenant. Non, bon. Ouais, bon, c'est juste dommage que Norris était un peu trop devant, voilà, qu'il, du coup, il ait échappé au tête à queue de Bossis. Bon, ça, c'est... Sinon, ça... Oh là là. sinon, c'était le geste parfait, mais bon... Mais là, il y aura 3 voitures en tout pire en même temps. Là, je vous taquine un petit peu. Évidemment que la manœuvre de Verstappen est inacceptable. D'ailleurs, il est le premier à s'excuser derrière à la fin du Grand Prix. Donc, en fait... Il s'excuse parce qu'il sait qu'il a fait une connerie quand même. Pour lui, par contre, c'est pas normal que sur un départ, il y ait une pénalité. C'est vrai qu'il y a le côté Let them race que même Marco a remis en avant. En gros, c'est ben voilà, ça peut arriver au départ et ça ne doit pas forcément nécessiter pénalité. Le problème, c'est que Verstappen, effectivement, il y va toujours un petit peu trop franchement. Et là, le problème, c'est que Verstappen, pardon, il finit. Là, pour le coup, je trouve qu'effectivement, c'est assez justifié de se prendre une pénalité. Surtout qu'effectivement, derrière, il y a quand même le titre qui est en jeu. Alors, je suis par contre tout à fait d'accord qu'il n'y a aucune raison de favoriser ou défavoriser une équipe. C'est-à-dire quand Vettel se retrouve effectivement à l'arrière du peloton en 2012 et qu'il doit remonter, je comprends pas, moi, qu'on le favorise. Je veux dire, c'est l'effet de course, c'est aussi ça un championnat. Si tu as fait une connerie ou tu t'es fait percuter, ça peut arriver. Les autres n'ont pas de faciliter la vie non plus pour autant, parce que tu te retrouves derrière à cause d'un incident de course. C'est des choses qui arrivent, un incident de course, ça fait aussi partie d'un championnat. Il n'y a pas de raison que des pilotes t'aident dans ta remontée. Personne n'a dû aider Piastri dans sa remontée. Enfin, bon, c'est vrai qu'il roulait tellement loin qu'on ne serait pas trop intéressé à lui, donc du coup on n'a pas pu voir, mais je pense que personne n'a spécifiquement aidé Piastri dans sa remontée. Non. Et c'est comme ça que ça doit être. Voilà, donc oui, ça aurait pu être extrêmement dommageable pour le titre, surtout que bon, Brown et Verstappen, ils ont quand même des petites passes d'armes, taquineries, on va dire, depuis quelques courses entre eux. Là, je pense que Brown n'était pas très très très content de ce qu'a fait Verstappen. Heureusement qu'il y a le titre constructeur effectivement derrière, parce que s'il n'y a pas le titre derrière, ouais, ça aurait été vraiment une autre histoire là. Je pense que ce soir on commentait vraiment autre chose, on commentait des polémiques et des polémiques et des polémiques sur Verstappen tout ça, mais ne pas oublier qu'effectivement Verstappen aurait quand même pu coûter le titre constructeur à McLaren, et c'est quand même assez grave. Ouais, et moi c'est vrai que le fait de dire oui, premier tour on n'est pas pénalisé. Moi, le gros souci que j'ai, c'est que Verstappen en profite pour faire n'importe quoi. À Austin, il sort Norris parce qu'on n'est pas pénalisé au premier tour. À Las Vegas, l'an dernier, il sort Leclerc parce qu'on n'est pas pénalisé au premier tour. À Austin, l'avant, il sort Leclerc parce qu'on n'est pas pénalisé au premier tour, etc., etc. En 2021, il fait que ça. Il sort Hamilton à chaque fois au premier tour parce qu'on n'est pas pénalisé. Enfin, au bout d'un moment, quand un pilote n'a que ça comme façon de faire et qu'il en profite à chaque fois, ben, c'est sûr qu'il faut revoir. Et je pense que c'est vraiment important que la FIA arrête ce Les Emirates au premier tour, parce que oui, qu'on juge en disant là effectivement il y a eu c'est en peloton, c'est dangereux, enfin c'est plus dangereux et donc c'est plus à même d'avoir des accrochages, moi je suis d'accord, mais quand un pilote toujours le même se profite du premier tour pour faire n'importe quoi et littéralement intimider les autres pour ensuite passer ou les foutre dehors pour passer, pour moi c'est pas normal. Et là je pense que c'est bien que la FIA lui rappelle que oui, le premier tour, il y a des largesses qui sont offertes, mais qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et là, venir harponner une voiture devant et interférer dans la lutte pour un titre mondial, enfin, encore une fois, moi, c'est le pire du pire, c'est imaginer si quelqu'un avait fait à Verstappen ce qu'il a fait hier. Il aurait été insulté, menacé, il aurait dit n'importe quoi, tout le Red Bull lui serait tombé dessus, il aurait balancé sa fanbase dessus sur les réseaux, enfin n'importe quoi, et ça aurait été vraiment odieux. Et là, bah non, c'est pas de sa faute, et puis de toute façon, les commissaires sont des cons, etc. Donc au bout d'un moment, il faut que Verstappen se reprenne, et Verstappen comprenne que c'est pas la F1, c'est pas que lui, en fait. Et c'est un petit peu le souci. Nico demande comment vous expliquer que Verstappen soit capable de s'excuser auprès de Piastri, donc il accepte sa responsabilité, mais aussi capable d'insulter les commissaires pour la même action. Et ben, je pense que c'est justement tout le problème de la mauvaise foi de Verstappen pour moi. Ben, je pense que oui, je pense qu'après il s'excuse quand il réagit, c'est à chaud quoi, sur la pénalité. Je pense qu'il y a ça. En fait, ils ont retardé le maximum possible l'annonce de la pénalité à Verstappen. Donc c'était un peu quasiment avant son arrêt au stand. Red Bull ne l'avait pas dit qu'il avait 10 secondes de pénalité. Oui. Et oui. Voilà. Et donc, rappelons que la FIA ne juge jamais les conséquences d'accidents, sauf quand les accidents ont des conséquences. C'est ça. Oui, alors déjà, Philou, le fou de justement, dit vous jugez les conséquences, on ne juge que les actes. Alors, l'équipe en majuscule, ouais, parce que ça fait mal aux yeux. Et surtout, la FIA est censée ne juger que les conséquences, que les actes, on est bien d'accord, mais comme le dit Alex, dès qu'il y a une conséquence, elle est jugée. Parce que la preuve, il y a eu plein de pénalités qui ont été mises parce qu'il y a eu que le pilote a été lésé, en fait. Donc, je suis pas d'accord. Parce qu'autant on peut considérer effectivement qu'il peut y avoir des largesses au départ sur des petites touches comme ça. Là, il se loupe quand même énormément. Je veux dire, là, ouais, si tu vous pénalisez des passages, je suis désolé, vous pénalisez rien du tout. Là, c'est vraiment une erreur de jugement manifeste. Soit une erreur de jugement, soit vraiment, ou alors il a pété un fil dans le cerveau. Là, pour le coup, pour moi, effectivement, il faut pénaliser. Donc, oui, il admet effectivement sa culpabilité. Non, il refuse d'être pénalisé pour ça. Pourtant, son erreur est tellement grosse que ça ne mérite pas autre chose qu'une pénalité pour moi. Sur ce coup-là, je trouve que la FIA a bien fait. Peut-être, après, en 5 secondes, 10 secondes, ça, au pire, au moins, ça peut se discuter. Mais le fait qu'il y ait une pénalité, pour le coup, c'est pas la conséquence, ouais, pour moi. C'est vraiment la cause. C'est-à-dire, c'est vraiment une erreur de jugement un peu trop énorme. Et là, ça, je suis désolé, c'est un peu comme ces dive bombs. Il faut y aller maintenant. Il faut peut-être le faire rentrer dans le rang. Et je pense que c'est ce que la FIA est en train de faire depuis le Mexique, en fait. Et pour moi, c'est salutaire. Là, ouais, les pénalités ont été plutôt durcies, je trouve, depuis que. Oui, depuis le Mexique. Oui, Marquez. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est pas lui qui est responsable des pénalités, c'est juste lui qui transfère le jugement. On imagine que c'est vrai. Je suis évidemment 100% d'accord avec ce que tu as dit, Franck. La question que je me pose quand même, s'il y a cet accrochage, mais que seul Verstappen part en tête à queue et que Piastri continue sa course normalement, est-ce que tu penses qu'il y a pénalité? Moi, j'en suis pas persuadé. Et c'est là que je veux rejoindre Manu en disant oui, là, probablement, malheureusement, la conséquence reste au cœur du problème, parce que s'il y a touchette mais que seul Verstappen part en tête à queue, je suis presque convaincu qu'il n'y a pas pénalité. Alors que dans le fond, ce serait le même geste et la même attaque inconsidérée de sa part. Ça aurait été drôle quand même. Pénalité plus tête à queue. Là, je pense qu'il l'aurait. Je pense qu'il rentrait direct avec sa Red Bull dans le bureau des commissaires. Ben là, si ça arrive l'année prochaine, ce sera intéressant de voir. S'il fait un dive bomb et qu'il est le seul à être pénalisé de sa manœuvre, ça finira bien par lui arriver. Et ben là, je serais curieux de voir s'il prendra 10 secondes ou si on dira bon, bah non, l'autre pilote va bien, il n'a rien. Let them race. Ah ben, quand ça vous arrange alors. Parce que... Après, pour qu'il y ait touchette sans Claude par tête à queue, c'est que c'était peut-être pas si optimiste que ça du coup. Ça peut arriver. Regarde Schumacher qui se fait disqualifier en 97, il se fout dehors en faisant un geste antisportif, ça peut très bien arriver à Verstappen. Bon, là, évidemment, je prends un exemple extrême et très ancien. Mais je reste convaincu que si Piastri ne repart pas en fond de peloton, mais qu'il perd ne serait-ce que seulement une ou deux places, ou en tout cas qu'il ne part pas en tête à queue, je suis persuadé qu'il n'y a pas forcément pénalité, ou en tout cas qu'elle n'est pas forcément aussi sévère. Hachou me demande, mais la conséquence, est-ce que ce serait le championnat ou juste ruiner la course d'un autre pilote? Mais c'est juste le fait d'interférer, en fait. C'est-à-dire qu'il va percuter un pilote qui joue un titre, qui n'est pas celui des pilotes, mais voilà. Et Philou, oui, tu dis, on s'en fout des conséquences, elles n'ont pas à être prises en compte, mais elles le sont tout le temps. En fait, il faut arrêter de dire, le règlement de la FIA et regarder ce qui se fait dans le bureau des commissaires. Et ils ont raison de ne pas laisser non plus tout faire au premier tour, puisque si on a 20 Max Verstappen au premier virage, je peux te dire qu'il n'y a pas 10 pilotes qui passent au premier tour. Donc effectivement, il faut que ce soit quand même un minimum respecté. Et encore une fois, le problème, c'est que le seul pilote qui a du mal à respecter les autres, c'est souvent lui. Donc c'est un petit peu le souci. Bon, en tout cas, pour moi, c'était conséquence ou pas, la manœuvre était tellement désespérée, je trouve, que ça méritait pénalité, donc il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, quoi. Non, bon, donc, tout d'accord. Je suis assez d'accord. Donc voilà, après, bon, cela dit, très belle course de Verstappen, hein, puisqu'encore une fois, on ne critique jamais son niveau de performance, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais, voilà. Ouais, c'est vrai qu'aussi, il risque son permis de conduire, quand même, parce qu'il a 11 courses à tenir avec 4 points seulement sur sa licence. Si on commence effectivement à pénaliser les dive bombs et ce genre de choses, ce qui est le cas, effectivement, on peut très très vite arriver aux 12 points et à une course de suspension pour Verstappen. Alors, après, il espère que la course de suspension arrivera le plus tard possible par rapport aux 11 courses, parce que ça lui permettrait d'avoir un petit congé de paternité. c'était un petit peu la petite blagounette qu'il a sortie après l'arrivée. Donc, félicitations d'ailleurs à Max et Kelly pour l'heureux événement qu'ils attendent. Courant 2025. Tout à fait, on dit qu'un enfant c'est 3 dixièmes, donc on verra s'il se retrouve un peu plus lent ou pas. Pérez jugé trop tôt. Pérez fait trop d'enfants surtout. Si c'est des quadruplés, il y aura égalité en qualification. La violence. Et là j'aimerais bien rajouter en disant t'exagères, il faudrait que des triplés, mais bon. Ça fait quand même 9 dixièmes. Et Pérez du coup Pérez en soi, c'est pas du tout son pire week-end. Mais c'est probablement sa dernière course, puisque alors on a eu un Pérez qui a défendu tout le week-end sa ligne de conduite qu'il avait depuis Las Vegas, qui était non mais j'ai un contrat de toute façon, je serai là et voilà. Et puis après la course, c'était un petit peu les filtres sont un peu tombés, comme j'avais un peu prédit, hein, parce que je me disais que c'était vraiment pour des raisons contractuelles qui brandissait ce contrat à chaque fois. Et là, il a dit après la course, on va discuter, ça dépendra de ce que l'équipe veut et il faudra trouver une solution qui convienne à chacun. Sous-entendu, on n'a pas la même vision des choses, donc son contrat, je pense que c'est pas évident, évidemment, que ce soit respecté. Et moi, je pense, en gros, l'idée, c'est qu'on lui propose soit une belle voie de sortie avec un petit parachute doré et quelques millions et une place d'ambassadeur, soit il se fait dégager beaucoup plus violemment à un moment. Parce que lui, il dit, si jamais on n'a pas d'accord, j'ai mon contrat, mais je pense que Red Bull ne l'entendra pas de cet œil et quoi qu'il arrive, paiera pour qu'il parte. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, il a encore une chance selon vous avec la réunion qui a eu lieu aujourd'hui, il avait encore une chance ou est-ce que c'est fini? Il y aurait 5% de chance maximum. Non, pour moi il y en a zéro, parce que lui-même admet qu'effectivement il faut qu'on trouve la meilleure solution, voir ce qu'il y a de mieux. Je veux dire, pour là enfin il admet, puis Horner et Marco effectivement, je veux dire, le discours aussi il a un peu changé, surtout du côté de Horner. Qui a commencé un peu à parler de son bilan passé aussi, donc ça veut aussi tout dire. Non, pour moi, il n'y a aucune chance qu'il reste. Là, on va rejoindre un peu sur ce qu'on dit, c'est qu'on voit maintenant l'importance, avec une Formule 1 aussi serrée, d'avoir deux pilotes très très forts au même niveau pour jouer un titre, parce que là, maintenant, c'est fini. Red Bull sera peut-être même quatrième l'année prochaine s'il gardait un Pérez dans cet état de forme actuel. J'aimerais même un Verstappen tout aussi rapide qu'il est, malgré le fait que c'est quand même lui qui a le plus de victoires cette saison. C'est Red Bull finit quand même troisième et assez loin de McLaren et Ferrari au championnat constructeur. Donc il faut absolument qu'ils remettent un duo plus équilibré. Alors je dis pas qu'il pourrait être totalement équilibré, parce que Verstappen, je pense quand même qu'il a une réputation de meilleur pilote actuel de la F1 qui, à mon avis, n'est pas usurpée. Donc voilà, mais au moins trouver un pilote qui arrive à être dans les, on va dire, la marge habituelle qu'on lui connaissait, c'est-à-dire dans les 2, 3, 4 dixièmes, grand maximum, constamment. Ce qui sera déjà lourd, hein, parce que si vous regardez les chronos à Abu Dhabi, voilà, 2, 3, 4 dixièmes, c'était dixième ou onzième. Hein, donc c'est 2, 3, 4 dixièmes, c'est au mieux peut-être septième ou huitième, quoi, mais au moins en Q3. Au moins en Q3, c'est déjà ça. Mais bon, ça risque de pas suffire. Et là, ça veut aussi dire peut-être que si ça continue comme ça avec un autre pilote, et que Verstappen ne décroche pas le titre de champion des constructeurs avec Red Bull, c'est que Red Bull est loin de faire la meilleure voiture. Aussi, il faudra quand même aussi au bout d'un moment le dire. C'est que c'est quand même Verstappen qui surcompense quand même, je pense, énormément de choses. Je pense que Verstappen a aussi, il a besoin de voitures très très spécifiques. Que les autres qualifiaient de picky, donc vraiment de pointilleuse, on va dire pointue. Et je pense que ça joue vachement sur le fait que Gasly, Albon et maintenant Pérez, ils soient cassés les dents. Et vu la série en cours, je suis quasiment sûr que le prochain se cassera les dents. L'important, c'est qu'il n'ait plus une seconde de retard en qualif, en fait. Le mieux qu'on a parlé, c'était Albon, je crois, en décembre dernier. Il avait dit, voilà, en fait, donc Albon, c'est lui aussi cassé les dents face à Verstappen. Et en fait, il disait que Verstappen avait un style de pilotage qui était vraiment très, très, très unique. C'est-à-dire. Qui va vraiment pas être souple et au contraire assez dur à conduire, et que c'est très très difficile de s'adapter à ça. Donc c'est pas que Pérez est un mauvais pilote, on a jamais dit ça, et il a fait des miracles chez Force India et Racing Point la plupart du temps. Mais voilà, Verstappen, lui, il veut un train avant qui tourne vite, qui tourne fort, qui est presque brutal, et c'est pas le cas du tout de la plupart des autres pilotes qui ont beaucoup de mal à s'adapter. Donc je pense qu'au lieu de dire, je pense que Red Bull, il devrait vraiment rechercher un pilote qui a un style de pilotage au plus proche de Verstappen, quitte à entraîner un jeune pilote dans les formules juniors ou faire des essais privés avec, mais pour moi, c'est ça la clé, quoi. Mmh. Et pour en venir à Pérez, les stats qui font mal, il faut se rappeler que même après le Grand Prix de Miami, donc il y avait le redressement de McLaren, il était encore derrière Verstappen. C'était lui le vice-champion du monde provisoire. Donc c'est pour dire, et donc il a eu un effondrement assez terrible, c'est-à-dire que, et ça c'était la stat qu'on avait vue avec Manu, c'est que bon, d'abord il a été battu toutes les reprises en qualification sauf une, et il a aussi marqué autant de points lors des 12 dernières courses de la saison, c'est-à-dire la deuxième moitié de saison, donc il a marqué 34 points en 12 courses, soit autant que Verstappen sur les deux derniers Grands Prix, bon certes avec un sprint, et sur les 4 dernières courses, Joe a marqué 2 fois plus de points que Perez, c'est-à-dire 4 contre 2. De toute façon, Red Bull ne va pas faire l'impasse sur une voiture qui soit moins picky à piloter, comme tu dis, Manu. Bah non, parce que là, je pense qu'ils ont quand même compris, et je pense que le message est aussi passé aux ingénieurs de rendre la voiture aussi plus facile à piloter. Parce que même Max Verstappen s'en est plein aussi, quand même, de cette délicatesse quand même à trouver un bon équilibre. Donc c'est qu'elle est même trop picky pour lui aussi. Donc là, ils n'ont pas le choix. Si, dans une Formule 1 aussi forte maintenant, avec des duos de pilotes extrêmement forts, peut-être chez Red Bull, peut-être chez Mercedes, pardon, ça reste encore à voir avec Kimi Antonelli qui fera ses débuts. Ce ne serait peut-être pas effectivement un duo aussi équilibré, aussi fort qu'actuellement. Mais McLaren et Ferrari, ils ont un duo absolument exceptionnel. McLaren, ils ont un duo qui sera très, très, très, très bien rodé. Red Bull n'a pour l'instant que Verstappen et une voiture qui est encore très, trop, très, très, trop pointue. Donc, ils vont être obligés de mettre de l'eau dans leur vie. Après, mettre un autre pilote. Et pour moi, ce sera Liam Lawson à 99,9%, même si Tsunoda fait des essais demain à Abu Dhabi. Mettre un autre pilote qui n'a jamais conduit cette voiture, qui n'a aussi pas de blocage psychologique, parce que je pense qu'au moment où Perez aussi a fait un blocage psychologique sur la manière de piloter cette voiture. Un autre pilote qui a un regard neuf sur le pilotage, sur les réglages aussi à adopter, qui peut tenter d'autres choses et qui n'a rien à perdre et qui surtout n'est pas bloqué psychologiquement. Je pense que c'est vraiment ça, hein, au bout d'un moment chez Perez, c'est aussi un peu ça, sur le fait que cette voiture est absolument faite que pour Max Verstappen et que moi je peux rien en sortir. Je pense que c'est aussi salutaire. Donc oui, je pense que vous pouvez tous faire le deuil, entre guillemets, parce qu'il va pas mourir non plus, hein, de Sergio Perez, voilà, de chez Red Bull et de la F1 en général, parce que je pense qu'il s'est aussi un peu grillé auprès de tout le monde, et qu'effectivement le jouer la carte du j'ai un contrat, voilà, c'est extrêmement clair, c'est pour négocier les meilleures clauses de sortie financière possible, imaginable pour lui, si possible la sortie d'un rôle ou même d'un sponsoring dans une autre catégorie, hein, parce que Red Bull quand même sponsorise beaucoup de pilotes à travers le monde, pas qu'en Formule 1. Et voilà, donc c'est tout à fait logique qu'il joue cette carte là et donc bah voilà, réponse d'ici la fin de la semaine d'après Horner et Marco. Donc alors ce qui est marrant, c'est que la réunion pour décider des duos de pilotes a eu lieu aujourd'hui et la décision est prise aujourd'hui mais on attend quand même le test de Tsunoda demain. À mon avis, il n'y a pas de raison que ça change grand chose, mais voilà, mais l'annonce sera faite plutôt fin de semaine, voilà. Donc c'est à surveiller. Moi, je reste toujours quand même totalement, enfin, pas dépité, mais allez, circonspect sur le fait que Red Bull ne veuille encore mettre un débutant ou quasi débutant aux côtés de Verstappen, en ayant eu déjà les écrans. Ils auraient pu avoir Sainz, oui. Ils ne sont pas à côté. Ils ont Tsunoda. Tsunoda, il a 4 saisons. Alors oui, il n'est pas parfait, mais Tsunoda, il a du progrès. Et enfin, encore une fois, Tsunoda bat tous ses équipiers depuis 2 ans. Maintenant, il lui a mis un paquet d'équipiers dans les pattes. Il les éclate tous. Et au bout d'un moment, il faut lui lancer, lui faire quelque chose. Il a 4 saisons dans les pattes. Il a beaucoup de progrès. Il est beaucoup plus calme qu'avant. Il est beaucoup, beaucoup plus technique qu'avant. Il est bien plus composé. T'inquiète pas que si Lawson ne fait pas l'affaire, il y aura un échange avant la mi-saison l'année prochaine. Ouais. Parce que là, c'est très probable, mais c'est vraiment de la folie de... Enfin, moi, mettre Lawson, c'est bien, hein. Lawson, il est bon, mais Lawson, déjà, il n'est pas en mesure de battre Tsunoda, je veux dire, en 6 courses. Et bah, face à Verstappen, on sait ce qui va se passer, il va se faire démolir. Alors, on dira, bon, c'est pas grave, c'est un débutant, mais avec la pression d'Helmut Marko derrière, qui gardera toujours son œil dessus, je ne suis pas convaincu que ça aille très très loin. Donc, moi, à mon avis... Effectivement, comme tu le dis et comme le dit Nico dans le chat, grosse faute de ne pas avoir signé Sainz. Il y avait vraiment une porte de sortie à un moment et Sainz a attendu un paquet de temps, donc j'imagine qu'il y en avait une. C'était vraiment terrible de pas le signer. Et Tsunoda pour moi, oui, il vaut pas un Sainz, mais il vaut largement un Lawson. Et encore une fois, quand t'as Horner qui te dit on a qu'une voiture, on a besoin des deux voitures, on a vu que toutes les autres équipes ont deux voitures qui marquent et tout, Lawson sera pas une garantie si la Red Bull est picky et qu'en plus elle est quatrième, troisième ou quatrième force du plateau, parce qu'aujourd'hui ils ont peut-être plus les moyens techniques et humains de remonter comme ils ont fait l'an dernier, de revenir aux avant-postes. Lawson ne fera pas des miracles. S'il fait des 8 dixièmes places, ce sera déjà pas mal. Donc, vous savez, si j'avais été en or, j'aurais fait. Je sais qu'il a un contrat, mais je serais allé voir Hülkenberg. Je lui ai dit écoute, est-ce que tu veux piloter dans la Red Bull pour 2025? Et je pense qu'il aurait dit oui. Et je pense que Sauberodi aurait compris pour casser le contrat. Parce que pour moi, ce qu'il fait en cette deuxième moitié de saison, c'est assez extraordinaire. Il y a même eu des négociations avec Alonso aussi, avant qu'il re-signe avec Aston Martin. Donc, ils ont quand même été un petit peu voir ailleurs. On peut pas imaginer aussi qu'ils aient pas discuté avec Sainz. Mais moi, oui, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a dit dans le chat. C'est extrêmement grosse faute d'Horner. Et je crois qu'ils ont seulement mesuré la conséquence de leurs actes en cette fin de saison, quand ils se sont rendus compte qu'effectivement, maintenant, il faut deux super pilotes pour jouer un championnat constructeur, quoi. Et puis pour pousser le fantasme de l'horreur encore plus loin chez Red Bull, rappelons évidemment qu'il reste a priori 4 ans de contrat à Verstappen, mais qui sait, il l'a répété à plusieurs reprises, on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, Verstappen nous dise « Bon, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire en F1, maintenant les gars, le projet 2026 ne me plaît pas, la voiture qui sait, ça se voit, elle sera ratée, on sait qu'il débute un nouveau projet moteur qui aujourd'hui n'est pas une garantie de succès loin de là ». C'est-à-dire que Red Bull aujourd'hui doit trouver un deuxième pilote solide, mais il doit aussi penser au moyen terme assez vite, parce que Verstappen ne fera pas non plus de vieux os. Il va probablement pas rester au-delà de son contrat actuel, qui, je le rappelle, est de 4 ans, mais qui sait si dans 2 ans il dit bon, moi c'est bon les gars, j'en ai terminé, et merci, au revoir. Donc là, Red Bull, avec ses prolongations pas forcément méritées pour Perez, s'est créé un problème, vous l'avez très bien dit, mais qui sait, ça pourrait devenir un double problème bientôt si, comme je l'ai dit, Verstappen décide finalement, c'est bon, j'arrête là, j'ai gagné tout ce que j'avais à gagner, je ne suis pas là pour battre les records de Schumacher, de Hamilton, merci, au revoir. Donc ça pourrait, ce qui était une équipe largement dominatrice de la F1 il y a encore un an, voire même en début d'année, pourrait très rapidement se dégringoler encore plus qu'on le pense aujourd'hui. Ouais. Et quand tu... C'est cyclique, hein. Bien sûr, et quand tu es au sommet de la F1, tu peux négocier avec des Alonso, des gens comme ça, mais si jamais Verstappen se barre en cours du projet 2026 et que le moteur Ford, Red Bull Ford n'est pas bon, ils négocieront pas avec grand monde, ils n'auront pas énormément de portes ouvertes. Donc c'est certain que le jeu que joue Red Bull est dangereux, mais de toute façon on le sait, tout le monde dit Christian Horner, c'est un génie, machin, c'est sûr, il a un super palmarès en tant que patron, mais il y a des décisions qui sont prises qui sont complètement incompréhensibles. La décision de prolonger Perez en début d'année, je la comprends toujours pas. À chaque fois j'y repense, je me dis, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Je pense que c'était un conflit avec Marco. Oui, je pense que c'était pour ça, mais du coup, ça montre encore plus à quel point c'est un mauvais manager, parce que tu ne mets pas la santé d'une équipe et d'une entreprise en jeu juste parce que tu as un conflit avec un autre des dirigeants, quoi. Si. Nous, on se retrouvera avec un duo. Ils rappelleront Perez, si ça va pas. Et ils mettront Joe avec lui. Ça fera Perez Joe. Ça fera des aides partout. Ricardo Tartier. Ils vont vendre des canettes partout. Ouais, non, c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est une énorme faute managériale de la part de Red Bull de ne pas avoir signé un très très bon pilote comme Sainz ou au pire Hülkenberg. Voilà, exactement. Je pense qu'avec Hülkenberg, ça serait très très bien passé. C'est pas un gars qui fait des vagues. Non, il est assez hermétique à la pression, je pense, en plus. Voilà, sauf quand il a un podium en vue, mais sinon ça va. Sainz Leclerc a pu voir que ça peut faire des étincelles, mais c'est vite calmé aussi, et les deux sont assez intelligents pour mettre de l'eau dans leur vin. Donc, moi, Verstappen Sainz, ça aurait été un poil plus irrité. Tatif, je sais pas si ça se dit, qu'un Verstappen Hülkenberg, mais ça aurait fonctionné aussi. Là, c'est sûr que maintenant c'est un saut dans l'inconnu pour Red Bull, quoi. C'est autant au niveau de la bagnole d'un côté, du moteur plus tard, que du deuxième pilote. Donc là, à voir. On peut être très agréablement surpris aussi. Hein. Plus que jamais, le projet est Verstappen dépendant, mais du coup, c'est bien tant que Verstappen est au sommet. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on l'a vu avec Vettel, alors même si Verstappen me paraît beaucoup plus solide que Vettel, on l'a vu avec Vettel que d'une saison sur l'autre, tout peut changer. Et moi je pense que Red Bull, autant il avait un petit peu payé déjà quand ils étaient Vettel dépendants, parce que du jour où il a commencé à être un peu plus en difficulté, ça a été un peu difficile pour la suite. Mais je pense que là, à mon avis, ça va être terrible si vraiment Verstappen soit part, soit commence à perdre en performance, parce que derrière ils ont rien, il n'y a pas de filet de sécurité, ils n'ont pas un Ricardo. Aujourd'hui, à l'époque, ils avaient un Ricardo qui était très bon. À l'époque, aujourd'hui, ils n'ont pas du tout ce genre de pilote. Ce qu'ils ont de mieux, c'est Tsunoda. Et ce n'est pas le Ricardo de 2014. Donc, moi, je suis assez inquiet, non, parce que c'est les conséquences de leur décision. Mais je pense que leur situation n'est vraiment pas confortable. Et surtout que ça va beaucoup dépendre des performances qu'ils auront l'année qui arrive. Quoi. Ouais, 2026, nouveau moteur. Enfin bon, ça peut faire très mal. Ouais, un nouveau moteur, en plus c'est un projet avec Red Bull qui n'a jamais été motoriste et Ford qui n'a pas vraiment d'expérience dans l'hybride, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois. Moi je ne suis pas convaincu que ça va être un projet qui sera fantastique. Mais bon, après on verra bien. Hein. Nico dit Ferrari avait Massa en filet de sécurité, on a vu pire. C'est vrai aussi, c'était pas terrible. Attendons de juger, attendons de voir. Hein. Peut-être que Lawson sera la bonne surprise aussi. Donc, ouais. Ce que je dis, il arrivera avec un autre état d'esprit, tout frais, une autre vision des choses, et peut-être que ça peut très bien marcher aussi. Donc, voilà. On lui demande pas de battre Verstappen, on lui demande d'être plus ou moins à son niveau. En tout cas, assez pour assurer de plus gros points que ce que Perez a pu faire. Donc, du moins que ça fonctionne. Ça pourrait presque être une bonne nouvelle pour Lawson si jamais, par exemple, Red Bull est décroché l'année prochaine et la quatrième force. C'est-à-dire que oui, il serait probablement quand même dominé par Verstappen, mais s'il marque seulement des points et que Verstappen fait au mieux des podiums, il y aura moins de pression médiatique, on va dire, puisque c'est pas Verstappen qui se battra pour le titre et forcément Lawson pour les huitièmes places, mais si on a un Verstappen qui n'arrive pas à gagner de course parce que Red Bull, qui sait, se fait définitivement passer par McLaren et Ferrari l'année prochaine, et qu'on a une lutte McLaren-Ferrari qui pourrait très bien se dessiner vu ce qu'on voit en fin de saison, ça pourrait enlever un petit peu de pression à un jeune pilote, que Verstappen ne rafle pas tous les Grands Prix avec une voiture qui est au mieux troisième force. Quoi. Ce serait notre type de crise si la Red Bull ne fonctionnait pas bien. Là, par contre, c'est Vaché et son équipe d'ingénieurs qui risque de morfler, par contre. C'est là, sûr, mais c'est un petit peu moins de pression sur le deuxième pilote. Même si, bon, si tu te fais éclater, tu te fais éclater. Mais au moins, ton coéquipier n'est pas champion du monde pendant que tu galères à rentrer en Q2. Quoi. Et bien, après 4 ans à jouer le titre, je pense qu'on va entendre un autre Verstappen si jamais il a une voiture qui ne peut pas faire mieux que 6e. Ça, c'est sûr. Les idiots stupides, ça ne sera pas les commissaires. Ça sera tout le monde. Sauf lui, évidemment. Vaché, ça sera Vachier. Ah oui, mais Max, Ford fera que la partie électrique du moteur et Red Bull fera la partie thermique. Et Ford fait que dalle en vrai. Ils apportent du pognon, ils font le nom et peut-être quelques développements. Côté bah normalement, sur... le moteur électrique, c'est à eux quand même. Hein. C'est leur produit. Hein. J'ai pas entendu de beaucoup de choses qui venaient beaucoup des États-Unis, moi. Ah, mais moi, je pense que. Après, ils ont des usines en Europe aussi, Ford, pour les compétitions. Mais je pense que je suis pas sûr que le projet soit très avancé. Bon. On verra. Je... Ouais, c'est pas grave, c'est que dans un an. Hein. C'est ça, ils sont larges. on va passer à Alpine, parce qu'Alpine, malgré le marasme absolu qui est devenu cette équipe, continue à surnager. Grâce à un Pierre Gasly de gala en cette fin de saison, qui fait 7e du Grand Prix après s'être qualifié une nouvelle fois dans le top 10, même top 6, il est parti même 5e après la pénalité de Nico Hülkenberg. Jack Doohan se qualifie 20e, une qualification à 8 dixièmes du meilleur temps et à 3 dixièmes, je crois, de son équipier. 5 dixièmes, j'ai noté, mais je ne sais même plus. On vérifiera, mais donc c'était pas si mal. Mais bon, la course a été un peu plus compliquée pour l'Australien. Il termine 15e avec un rythme qui n'était pas terrible. Il prenait 5-6 dixièmes facile. Hein, même ouais, jusqu'à 8. Et Gasly, par contre, super course, solide tout le long, 7e à l'arrivée. Et puis, comme ça, il assure la 6e place, que je dirais n'est pas vraiment méritée d'Alpine au championnat des constructeurs. Je suis pas d'accord, moi, pour le coup. Ah, mais moi, je pense qu'ils ont eu la chance d'avoir une belle Evo et deux pilotes qui étaient vraiment au taquet. Autant j'aurais dit qu'elle était effectivement volée après le double podium du Brésil, qui était quand même très circonstanciel par rapport à la pluie. Autant la fin de saison d'Alpine et surtout de Gasly et sortir des perfs comme ça. Au final, c'est si bon. L'évolution de Austin, elle est presque aussi importante que le double podium de. Oui, ça, je suis d'accord. C'est ça. Mais c'est si bonne course sur 24, en fait. Donc finalement, je ne la trouve pas si volée que ça, la 6e. Ah, ça, en termes de régularité, c'était quand même plutôt devant Alpine sur l'ensemble de la saison. Mais force est de constater qu'Alpine, quand même, sur la fin de la saison, je suis désolé. L'évolution marche et Gasly marche. Ça méritait un peu plus parce qu'il y a eu un nombre de 7e place du Kenberg, je crois, 6 ou 7 facile, qui était assez important. Donc à cet aspect-là, en termes de régularité, ça méritait plus. Mais effectivement, oui, en termes de régularité, oui. La fin de saison d'Alpine est, bon, je dirais pas extraordinaire parce qu'ils partent quand même de loin et ils ne vont pas se contenter d'une 6e place, mais elle est quand même très encourageante, il faut quand même le dire. Et bravo Enstone. Et voilà, ce moteur, il ne doit pas être si pourri que ça, finalement. Alors, je suis d'accord, la fin de saison est encourageante, mais enfin, Franck, il y a quand même un sacré hold-up au Brésil. Enfin, ils sont 9e du championnat avant cette course, et même avec la bonne fin de saison, ils sont assez bons pour battre Williams, hein, mais ils ne sont pas assez bons pour battre ni Haas, ni même Racing Bulls. Enfin, faut être honnête. Oui, la fin de saison est incroyable. Gasly marque 3/4 de ses points sur les 4 derniers Grands Prix, c'est complètement fou. Mais on ne va pas quand même non plus dire que c'est mérité de battre Haas. Haas, je suis désolé, avec des moyens nettement inférieurs, ils font une voiture beaucoup plus constante et ils sont réguliers sur toute la saison. Voilà, on va leur tirer notre chapeau quand même, hein. Il y a une équipe qui travaille derrière, qui exploite parfaitement les opportunités qui se sont offertes à elle, et encore une fois un Gasly qui a volé tout simplement sur les derniers Grands Prix. Enfin, de là à dire qu'il mérite de battre Haas au championnat, alors là je suis pas d'accord, et pour moi il mérite même pas de battre RBF1 pour l'ensemble de la saison. Encore une fois, on juge l'ensemble de la saison. Pour moi, il méritait la 8e place. Ce que je disais, alors donc tu me traites de malhonnête, et je suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse, mais j'ai clairement dit que sur la fin de la saison, par rapport au point marqué, certes il y a le hold-up du Brésil, j'avais moi-même qualifié le résultat du Brésil comme hold-up, il y a comme une évo, voilà, parce qu'ils ont clairement dit qu'ils allaient attendre le dernier moment entre guillemets pour la sortir, parce qu'ils savaient très bien qu'en termes de budget, en termes de ressources, en termes de restructuration, bah, il fallait attendre le dernier moment pour la sortir, ils l'ont fait, et en termes de performance pure, sur la fin de la saison, c'est la 6e place. Après, comme je l'ai dit, je l'ai quand même dit, en termes de régularité sur l'ensemble de la saison, oui, ça ne vaut pas la 6e place, on est d'accord. Haas mérite à la régularité d'être devant. RBF1, ça peut se discuter, parce que RBF1, ça a quand même été quand même pas mal le yo-yo. Hein. Il y a quand même des circuits qui leur ont vachement convenu, des circuits où ils n'étaient pas du tout dans le coup. Autant Haas, par contre, sur quasiment tous les circuits, ils étaient dans le coup, enfin surtout Hülkenberg et Magnussen plus sur la fin, dès qu'il y a ces problèmes de freinage qui ont été résolus, c'était vraiment beaucoup plus régulier, autant en qualif qu'en course. RBF1 c'était un peu le yo-yo, et Alpine effectivement bah, cette saison ça, ouais, bah, là pour le coup c'est vraiment la pente ascendante à fond quoi. Donc je dis pas que sa 6e place elle est totalement méritée, je dis juste que sur la performance pure de fin de saison, l'Alpine est devant la Haas. Maintenant entre 6e et 7e, je veux dire pour eux ça fait pas une énorme différence. Elle est devant l'Aston à ce jeu là, Franck, mais t'as commencé par dire qu'il l'a mérité, c'est pour ça que je me suis permis de te répondre. Mais après, elle n'est pas imméritée, en tout cas, elle n'est pas totalement imméritée. Voilà. Autant elle aurait été totalement imméritée avec juste le Brésil. Ça, c'est clair, je pense que tout le monde aurait crié au hold-up. Oui, c'est sûr qu'après, il y a un super qualif à Vegas, il y a plein de top 10 en fin de saison. Mais c'est ça. Moi, c'est quand même le bilan. Moi, là où j'ai un bilan amer et où je rejoins Paul, c'est que je trouve que c'est 6 courses, quoi. Et les 18 autres sont catastrophiques. C'est vraiment, on part, c'est sûr, après les progrès sont énormes, mais quand tu pars d'où ils partent, évidemment que les progrès sont énormes en fait. Ils peuvent être que bons. Mais alors certes, Stéphane ne dira pas ça, mais je pense que. Ouais, moi je trouve, en fait, la saison aurait été. Ils auraient retourné la saison sur leur première Evo ou leur deuxième Evo, j'aurais été beaucoup plus sympa avec eux. Mais là, c'est vraiment le. Pour moi, ils ont fait un coup de poker qui a fonctionné, et tant mieux pour eux. Parce que c'est bien pour les gens chez Enstone, encore une fois. On ne critique pas les ingénieurs, moi je critique les moyens qui sont donnés et l'ambiance de travail et surtout les dirigeants de cette équipe. Je ne critiquerai jamais les pilotes non plus. Mais je trouve que c'est largement insuffisant. Après, là, on part un peu plus sur le bilan, donc on y reviendra sur la prochaine émission. Mais là, oui, alors si on part qu'à Abu Dhabi, c'était bien, globalement, c'était bien. Et ils ont de la chance d'avoir Gasly pour ne pas payer. Le fait de mettre Douane dans la voiture sur la fin d'année, parce que finalement s'ils n'avaient pas eu Gasly c'était beaucoup plus tendu pour le championnat constructeur, mais donc bien joué à eux d'avoir tout misé sur Gasly et puis d'avoir viré Ocon, ça a fonctionné pour eux, tant mieux, mais je pense que c'est quand même assez limité. Et encore une fois, ils ont fait fonctionner une seule voiture, puisque Ocon n'est pas devenu mauvais d'un coup, et Ocon ne valait pas 7 dixièmes de moins que Gasly quand il était beaucoup plus devant sur le début de saison. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui s'est passé avec la voiture d'Ocon aussi. Je ne sais pas si c'est qu'ils avaient des vieilles pièces ou quoi, mais enfin, c'est tellement inexplicable qu'il y a forcément une explication. Oh, que ça a une explication. Il a Oui, alors attends, on va y revenir, lui, parce que j'ai aussi quelque chose à dire sur lui. Bah, oui, mais tu en parles de l'explication, c'est peut-être le moment de la caser. Allez, c'est le moment de la caser, effectivement. Voilà, est-ce que Esteban Ocon, d'après Oliver Rowe, s'est vraiment donné un fond sur cette fin de saison, sachant que Alpine face à Haas, c'est 10 millions de dollars en jeu. Surtout pour Haas, ça compte énormément, 10 millions de dollars. Moins pour Alpine, mais ça compte quand même beaucoup. Et que, du coup, est-ce que Esteban était totalement impliqué? Et du coup, ils ont levé tout doute. Donc, en gros, ils ont clairement. Enfin, Oliver Hawkes a clairement mis en doute l'intégrité d'Esteban Ocon sur le fait qu'effectivement, il se battait vraiment totalement à fond pour son équipe. Ah, moi, j'ai un mec. C'est quand même extrêmement. Ce qui veut dire que Douane va aussi signer pour Haas parce qu'il s'est fait éliminer en Q1. Je pense que Douane, il risque surtout peut-être de se faire virer et d'être remplacé par Colapinto aussi. Ou par Polaron, parce que Polaron qui va être titularisé par. Polaron, ce serait un peu rapide, à mon avis. Mais je pense que Douane va partir avec beaucoup de pression. une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête, et je pense que ça va mal se passer. Et je pense que ça va pas de sa faute. Mais au demeurant, ça a été pour moi le moins impressionnant des rookies cette année. Berman et Colapinto ont été bien plus impressionnants, je trouve. Doudouane, il a quand même 5000 km dans les pattes de F1. Ça fait 2 ans qu'il est en programme alpine. Hein. Pour moi, il aurait dû être plus proche que ça. En rythme de course, mais bon, après on lui laisse quand même le bénéfice du doute. Et effectivement, Oliver Hawkes, j'ai un énorme mea culpa à faire, parce que la semaine dernière je le défendais en disant il avait l'air surpris, il a appris tardivement, c'était pas sa faute du tout, mais en fait c'est la même crapule que méchant. Mais c'est une crapule, c'est la même crapule que Briator, c'est pareil, c'est la même race. Donc en fait, bah finalement je suis très content que c'est celui qui récupère Alpine, et puis comme ça j'ai pas du tout de à me dire oh là là il y en a un qui est maltraité par l'autre, je sais pas quoi. Non, en fait c'est les mêmes, donc ils vont exactement faire ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'ils vont faire des trucs, ça va être espèce de système mafieux à la Briator là, qui va gérer l'équipe jusqu'à ce qu'elle soit vendue à Hightech, l'équipe de Hawks, comme je le prédis depuis maintenant plus d'un an, et je suis sûr que voilà, ce sera réglé comme ça. Mais le commentaire pour venir chier sur Ocon alors qu'ils l'ont déjà dégagé comme un malpropre quelques jours avant, et que Ocon a lui-même dit, du coup, parce que ça on l'a eu juste avant le week-end d'Abu Dhabi, que c'était bien pas de sa faute, enfin pas de sa volonté du moins, et que lui avait prévu un super super au revoir avec l'équipe, avec un casque spécial, avec des choses et des mécanos pour pouvoir dire au revoir à tout le monde et tout ça. Non seulement ils lui volent ça, mais en plus derrière ils viennent critiquer son implication, alors que l'implication d'Ocon chez Renault et Alpine a été absolument parfaite, irréprochable depuis 2020. Là-dessus, je pense que c'est vraiment, tout le monde a toujours dit, il n'y a eu aucun, à part Bruno Famin quand il a voulu pousser de la voix là, à Monaco, et puis Oliver Hawkes quand il veut lui chier dessus, mais sinon personne n'a jamais remis en cause le travail d'Ocon, et pourtant il y a eu des gens qui n'étaient pas forcément des plus sympas, et Laurent Rossier et tout, qui même eux ne sont pas jusque-là. Et voilà, et en plus il doute effectivement de son intégrité, ce qui pour moi est vraiment quasiment de la diffamation. Et j'espère que, enfin, j'aurais aimé qu'Ocon soit un peu plus incisif. Je sais pas s'il va finir par l'être ou pas, ou alors est-ce qu'il va juste penser à son avenir et puis oublier cette page complètement débile de la manière dont ça s'est terminé. Mais c'est vraiment un manque de respect comme on en a rarement vu entre une pilote et une équipe, je trouve. Donc voilà, moi j'aimais plus trop cette équipe. Honnêtement, je suis très déçu. J'espère pour Pierre Gasly qu'il trouvera mieux, parce qu'il mérite mieux lui aussi. Et je suis bien content. Je pense qu'ils auraient pu le faire à la Loyale en disant, en fait, on n'a plus trop d'enjeux. Nous, ce qu'on veut, ça nous intéresse. C'est vraiment préparer Doohan pour l'an prochain. Enfin, l'affaire à la coule, à la limite, ça serait mieux passé. En disant, voilà, on est désolé, en lui faisant des beaux adieux pour Interlagos, mais c'est mieux pour l'an prochain de faire ça. Et c'est vrai qu'As, c'est un concurrent, donc il faut que ça soit un peu du donnant-donnant. Voilà, en la jouant honnête. Et là, ça serait mieux passé, à mon avis, que d'essayer de louvoyer en sous-entendant simplement une sorte de demi-traîtrise d'Ocon. Ouais, c'est ça. C'est une équipe qui est en perte de vitesse totale en termes d'image, en tout cas, si ce n'est en termes de performance. Maintenant, voilà, c'est ça, c'est ce. Est-ce qu'Enstone va réussir à se battre pour remonter la pente avec de tels dirigeants au sommet? Là aussi, pareil, en termes de motivation, c'est quand même pas terrible. Hein. Donc, ouais, c'est clair que Briator est maintenant Hawkes, parce que c'est vrai qu'Hawkes, on pouvait encore avoir des doutes un petit peu. Maintenant, c'est bon, c'est clair qu'on en a plus. En France, ça passe pas du tout. Avoir tout le shitstorm qui se sont pris déjà par rapport à l'annonce du fait qu'il y a eu un chantage, je crois que c'était 2 heures avant le départ de la course, quand même. Donc vous dites à Ocon 2 heures avant le départ que soit c'est le dernier Grand Prix, soit le test IAS. Déjà vous abordez pas votre avant-dernier Grand Prix dans les meilleures conditions psychologiques. Et ensuite, bah voilà, vous avez en fait deux dirigeants qui sont aussi véreux l'un que l'autre. Briator, effectivement, plus personne ne le présente. Et je pense que Hawkes est en train de suivre la même voie, contraint et forcé ou pas du tout. Et c'est désolant. Et Alpine, cette équipe n'a de français maintenant plus que le nom et un de ses pilotes. Et j'en viens même à espérer que Pierre Gasly, au bout d'un moment, trouve mieux ailleurs aussi. Parce que c'est franchement, ouais, là les propos de Hawkes, comment ils ont été ressentis sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas possible. Là, ils ont fait un petit hommage aussi à je sais pas si c'est à Ocon, voilà, fin de saison, là, avec un petit communiqué sur les réseaux sociaux traduit en Google Translate, donc un français absolument, parce qu'ils communiquent en anglais avec un français absolument déplorable. Ils se sont fait démonter, puissance 10. C'était honteux. Je pense que de rien faire aurait été beaucoup mieux. C'est juste vraiment juste du foutage de gueule envers les Français, quoi. Ouais. Et je me rappelle la formule sur tu avais traduit Norman Nato par Norman Autant. cette équipe, elle est juste devenue pathétique en l'espace de 6 mois, quoi. Ouais. Et c'était déjà pas très glorieux avant, mais là c'est devenu pathétique. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au niveau sportif, ça a beaucoup mieux. Oui, parce que ça ne dépend pas des gens. Parce que le sportif... Tout sous la gorge peut-être aussi. Non, puis le sportif ne dépend pas des gens qui gèrent la manière dont l'équipe peut fonctionner. En fait, parce que le sportif, il dépend de gens qui sont beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus travailleurs et beaucoup moins, beaucoup moins malhonnêtes que ça. Et qui sont juste des ingénieurs et mécanos et tout ça qui vont au bout du truc. Quoi. Ils voulaient faire un hold-up, ils l'ont fait au Brésil avec un spécialiste du hold-up, hein, Briatore. Ouais, c'est ça. Et Xoans dit, je serai dirigeant d'Alpine, je voudrais vendre ou même enlever le nom direct, mais il ne faut pas croire, le dirigeant d'Alpine, c'est lui. Enfin, les dirigeants d'Alpine et Renault ont donné mandat à Briatore pour faire ce qu'il est en train de faire, donc ça convient à tout le monde, cette situation. Ouais, Briatore, il a viré quand même un tiers des effectifs de l'équipe, quand même. Il a fermé une usine de moteur, et en gros, il a dit, voilà, moi, ceux qui veulent avancer, ils avancent, ceux qui ne veulent pas avancer, je les dégage. Je schématise à peine ces propos tenus il y a quelques semaines. Et je rappelle que quand ils l'ont engagé, nous, on a été parmi ceux qui ont été vraiment très critiques à leur rencontre en disant que c'était n'importe quoi de faire revenir Briatore. Et on a tout de suite dit que ce serait un fossoyeur. Il y a des gens qui nous ont dit non, mais Briatore, on le fait revenir parce qu'il sait gagner des titres. Non, là, on a la preuve maintenant, c'est même pas 6 mois plus tard, si peut-être, je sais plus, 5 mois plus tard. Que Briatore est bien là pour, en tant que fossoyeur, quoi. Donc, oui, David Sanchez a pu peut-être aider un peu, mais je pense que tout ce qui est arrivé là jusqu'ici pour l'instant était quand même déjà dans les tuyaux avant. Question bête, il reste assez de personnes pour faire fonctionner le moteur l'année prochaine? Bah oui, Thierry, justement, en fait, il n'y a plus personne pour le développer aujourd'hui, c'est juste qu'il reste une équipe d'exploitation côté F1 à Viry, donc l'équipe d'exploitation qui servira l'an prochain. Et après, le reste des gens qui restent, c'est pour le programme Nissan Formule E et pour le programme Alpenglow du proto hydrogène. Le reste, c'est tout. Et encore, ça s'est fait. C'est une cellule de veille. Voilà, c'est la cellule de veille, exactement. Il y aura une cellule de veille au cas où il y a un problème de fiabilité majeure qui se déclare, mais il n'y a pas de raison maintenant, après 2-3 ans de gel, que ça arrive. Donc, effectivement, c'est en train de déserter aussi du côté de Viry, pour tous ceux qui n'ont pas envie de rester pour ce nouveau projet mobilité de Renault pour le centre de Viry. Donc, exactement. Voilà, donc ça c'est pour la page Alpine, se clôt de manière un peu triste pour cette saison, même si sportivement, finalement, comme tu disais, c'est un peu plus. Sportivement, c'est un miracle. Médiatiquement, c'est un naufrage. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très paradoxal parce que finalement, l'équipe a vraiment. Plus ça avançait dans le sportif, plus c'était catastrophique dans l'image. Il faut regarder le doc sur Prost. On pose la question, c'est une très bonne transition, effectivement. Alex était invité, c'est-à-dire pour ça qu'il n'était pas là l'année dernière, il était invité à voir en avant-première le documentaire sur Prost. Moi, j'ai pu voir effectivement les 6 épisodes aussi un peu en avance, là, du coup. Ce documentaire est absolument exceptionnel, mais je vais laisser Alex en parler. Oui, en fait, c'est beaucoup plus qu'un documentaire sportif, c'est beaucoup plus qu'un documentaire chronologique sur la saison, la F2 de Prost, etc. C'est vraiment, c'est un peu ce que disait Prost sur la scène lors de l'avant-première, c'est-à-dire que moi, en fait, tout le monde me parle que de Senna, tout le monde me parle que de mes exploits sportifs, mais en fait, je voulais montrer bien plus que ça, et la période de ma vie, c'est ce qu'il a dit, dont je suis le plus fier, c'est mon enfance. C'est tout mon arrivée avec Formule 1. Et je pense que même en connaissant un peu la vie de Prost, je pense que même les fans, et peut-être que Franck pourra me contredire, mais même les fans hardcore de F1 ont vu Prost comme jamais ils ne l'avaient vu. C'est-à-dire, c'est surtout sa famille, moi, qui m'a marqué, son histoire familiale. On sait qu'il était rescapé d'une grand-mère qui a survécu au génocide arménien. Son frère, Daniel, son grand frère, d'un an ou un an et demi, qui est mort tragiquement, mais qui a eu une tumeur au cerveau, puis un cancer. Il est décédé quelques jours avant le Grand Prix d'Estoril décisif pour son deuxième titre mondial. Il y a toutes ces galères lorsqu'il recherchait un peu d'argent pour acheter son premier car. Voilà, et ça, c'est un peu la personnalité de Prost, quand même assez humble. Hein. Il pourrait avoir la grosse tête, et je peux vous garantir qu'il n'a pas du tout, alors qu'il pourrait quand même. Mais voilà, donc on découvre, c'est vraiment plus qu'un documentaire sportif, hein. C'est vraiment une histoire humaine absolument poignante, déchirante et... Ouais. Ouais. Pour connaître par cœur l'histoire de Prost et de Senna, parce qu'effectivement, moi j'ai commencé déjà à suivre la F1 à ce moment-là. Pas les tout débuts de Prost, parce que j'ai commencé à peu près à suivre en 87 ou 88, je crois, quand j'avais 10 ans. Après, je m'étais documenté sur l'un un peu avant, mais surtout la grosse période Prost-Senna, je l'ai vraiment suivi vraiment à fond. Et vraiment, ce documentaire, pour moi, il est extrêmement fidèle. C'est-à-dire, j'ai salué aussi, d'ailleurs, dans un petit mail, puisque Alex y était, moi j'ai pu suivre après les épisodes sur l'Espace Pro de Canal, où on a un peu les épisodes en avance. Et donc, du coup, j'ai vraiment salué le travail documentaire. Juste, il y a une petite chose. Dans le tout dernier épisode, il y a deux erreurs. C'est vraiment les deux seules erreurs du documentaire dans l'épisode 6 qui ont, sur des incrustations que j'ai relevées. J'ai envoyé à Canal. J'espère qu'ils auront le temps de les corriger avant que ça diffuse dimanche prochain, parce que moi, c'est ça m'a fait bondir. Lors de l'avant-première, ils disaient on peut plus retoucher maintenant. Ben, bon, là, je pense que c'est une incrustation, ils vont pouvoir gérer quand même. C'est deux, voilà, c'est deux incrustations, et pour moi, ça m'a vraiment. Ce qui est assez marquant, c'est qu'en fait, ils ont pris une productrice à gamme d'enchères qui n'a rien en Formule 1. Ouais. Je pense que c'est un peu ça qui fait la différence, c'est-à-dire qu'elle a vu l'homme avant le pilote. Et voilà. Mais bon, ça, je peux le dire, en fait, ils ont écrit Grand Prix d'Italie au lieu de Grand Prix de Saint-Marin en parlant du 1er mai 94 par deux fois en incrustation dans le dernier épisode. Et donc j'ai fait remonter ça. Donc si vous voyez que c'est bien Grand Prix de Saint-Marin en gros partout, c'est que ça a été corrigé. Si c'est Grand Prix d'Italie, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire. C'est vraiment dommage, que c'est vraiment le petite boulette qui moi m'a irrité, m'a hérissé les poils. Parce que sinon, vraiment, tout le reste du documentaire, franchement, pour connaître l'histoire par cœur, c'est vraiment. J'espère qu'ils le sortiront peut-être en DVD ou autre, on pourra le conserver sur le MyCanal pendant un bon bout de temps. C'est vraiment très poignant et très très fidèle à la réalité. Et ce que tu dis sur la productrice, Alex, c'est très important, parce que le gros problème du documentaire Senna, qui est sorti il y a à peu près 10, 12 ans, 14 ans, bah c'était que c'était fait par un fan de Senna. Et qu'au final, c'était totalement n'importe quoi, parce que il y avait un prisme de fans de Senna anti-Prost de terrible dedans. Et pour revenir, il y a aussi un moment fort du documentaire, parce qu'on parlait d'Alpine, c'est quand Alain Prost face caméra dit, il retient un peu sa respiration, il dit Renault, ils m'ont toujours trahi. Ouais, il pensait du Grand Prix avec Arnoux au Castellet, lorsque Arnoux ne respecte pas les consignes d'équipe et c'est Prost qui passe pour le méchant, mais il pensait aussi bien sûr à l'éviction. Son éviction par Laurent Rossi, puis voilà, on voit. Et puis le fait qu'il lui ait volé un titre, parce que si Renault était. Ça, il y pensait un peu moins. C'est vrai, parce que moi j'avais déjà entendu en parler de ça. C'était... Ouais, mais c'est pas sous l'angle de la trahison dans le dos. Ah oui, d'accord, je vois. Oui, plus le regret qu'il n'ait pas porté leur. Il regrette beaucoup, mais ça, c'est pas courage. De la félonie, quoi. Ouais, je vois. Alors je réponds juste à Sobra et Indélicate, non, on ne parle pas du tout de Prost Grand Prix dans le reportage. Ça serait vraiment l'aspect carrière de pilote. Très certain qu'il est beaucoup, il l'évoquait, mais bon. Si vous voulez voir, mais on parle de la F2, Formule Renault, les cartes, ça c'est très très bien fait. Après, si vous voulez voir un truc, Prost qui parle de Prost Grand Prix, il y a une archive chez Ardisson qui date de 2002, je crois, sur YouTube, où il en parle pendant une demi-heure, il raconte le bordel et les galères que c'était, et c'est super intéressant. Il y a eu un très bon bouquin aussi qui est sorti, hein. Je ne sais pas si on peut encore le trouver, mais un très très bon bouquin sur Prost Grand Prix. Mais aussi, il y a vraiment aussi toutes les galères que Calvé a pu lui faire aussi sur le moteur à 5 ans, puis finalement c'est 3, et puis finalement il faut le payer un petit peu. Et puis on a 53 cases dans une saison, et puis. Non, c'était voilà. Misérable. Donc c'est... Et le Sénat sur Netflix, moi j'ai trouvé que c'était en tout cas très bien fait. Ouais. Je vous conseille de voir le making-of. Ah, il faut vraiment voir le making of pour voir comment ils ont réalisé ces scènes-là. Parce que moi, c'est presque ce qui m'a le plus bluffé, c'est vraiment le making of de cette série documentaire. Moi, je vous le conseille quand même, parce que c'est pour connaître au moins l'histoire de Senna. Il y a des petits trucs qui sont un petit peu faussés, forcément romancés. Évidemment, il y a des choses qui collent pas aussi sur la, notamment sur le 1er mai 94. Moi, qui le connais vraiment par cœur du bout des doigts, parce que j'ai vécu ça dans mes tripes. Mais voilà, donc à 90-95%, c'est à peu près respecté. Ouais. Et surtout, la façon dont ça a été réalisé et fait, je trouve quand même que c'est assez sympathique. Voilà. Après, Manu a fait une critique aussi sur ce documentaire, sur le site. Mais ça vaut le d'être regardé, en tout cas, clairement. J'ai trouvé que c'était pas trop méchant avec Prost, ce qui est bien, parce que c'est vraiment l'écueil dans lequel tombent ces trucs-là. Et j'ai trouvé que les acteurs étaient plutôt pas mauvais. Je trouve que l'acteur qui fait Senna est très mauvais. Enfin, très mauvais. Au début, il y a vraiment un manque de charisme et tout. Et plus ça avance, plus il a de la personnalité et qu'il incarne vachement le rôle. L'acteur qui fait Prost est pas mauvais, finalement. J'avais peur un peu. Et moi, mention spéciale à l'acteur qui est français aussi, qui fait Balestre, ou qui a une diction. Oui. Mais alors, on dirait le vrai. Hein, c'est incroyable. Donc, non, rien après, que pour ça. Effectivement, le documentaire de Senna sur Netflix, son seul problème pour moi, c'est qu'il fait vraiment l'impasse sur le côté habité par Dieu de Senna. Oui. Dont parle beaucoup Prost dans son documentaire à lui. Donc, pour le coup, cette partie-là qui manque dans le documentaire de Senna, je vous conseille de la retrouver dans le documentaire de Prost sur Canal. Après, la série Senna, elle a un petit peu essayé de souligner certains clichés, mais à la fois c'était totalement vrai le truc de Senna, et à la fois c'est un peu utilisé pour tout lui pardonner, et je trouve que c'était un peu risqué, mais c'est pas. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé qu'ils en parlent pas trop. Donc, faudra que je vois. Après, j'ai trouvé que la 3D n'était pas toujours folle au niveau visuel, mais bon, ça, c'est un point de vue. Quand tu vois comment ils ont reconstitué certaines scènes, quand même, c'est quand même assez fort, quand même. Ouais, c'est clair. Et reconstitution de circuit qui était bonne aussi. Bah, de toutes les voitures aussi, quand même. Aussi. Aussi. Trop con. C'est, aucune F1 n'est une vraie, hein, parce qu'on pourrait vraiment croire au départ qu'ils ont sorti les vieilles F1. Après, on se demande si c'est pas de la synthèse et tout. Non, c'est ni de la synthèse ni des vieilles F1, c'est des voitures qui ont été reconstituées. Donc, C'est comme dans Rush, ils avaient pris des F3 qu'ils avaient recarrossés avec des carrosseries de F1 70, ça marche pas mal. Ils ont eu le droit de faire rouler quelques vieilles F1 pour capter les sons et pour vraiment recoller, mais. Celles qui roulent ne sont pas les vraies F1. Imagine, ils auraient mis des moteurs de V6 hybrides dessus. Un truc horrible. Bon, on va pouvoir reprendre notre debriefing après cette petite parenthèse documentaire série. Et on va parler de Haas, la 8e place de Nico Hülkenberg, la 16e de Kevin Magnussen. Alors, Nico Hülkenberg était bien qualifié de nouveau. Magnussen s'était fait éliminer en Q2. Il fait un excellent départ et remonte à la 7e place. Hülkenberg profite aussi du grabuge devant pour passer 5e au départ. Et puis, si Hülkenberg a réussi à bien gérer l'ensemble, Magnussen a eu moins de chance avec un arrêt au stand raté et puis Bottas qui s'est oublié une deuxième fois et qui est venu l'harponner très très violemment. Du coup, Haas lui a offert un petit run en pneu tendre neuf et puis pas beaucoup d'essence pour qu'il puisse s'amuser comme à la bonne époque. Ce qui est très sympa. Là, pour le coup, c'est un très très bel. Très bel. Alors, bah, encore une fois, Alpine peut s'en inspirer si jamais ils ont de nouveau un pilote à virer prochainement. Bah, ils auraient pu l'offrir à Douane, du coup. Ah ouais, c'est peut-être pour ça, en fait. Ils ont déjà offert ses adieux. Ah non, c'est pas gentil. Bah, du coup, Paul, toi, t'en as pensé quoi de la course de Haas? Est-ce que tu étais. Bah, après, ils ont échoué. Que penses-tu de ta course? Que penses-tu de ta course? Satisfait de ta course? Il n'est pas très objectif. Hein. Brillant comme toute la saison, évidemment. Une régularité exemplaire tout au long de l'année. Incroyable. C'est ça. Bah, en plus, c'est pas loin d'être vrai parce que Hülkenberg a été vraiment. Mais oui, c'est. Oui. Toute la saison. Lui-même admettait au moment de dire au revoir à Haas, quand je suis revenu en F1 il y a 2 ans, enfin, au début de la saison 2023, je m'attendais pas à retrouver un tel niveau de forme. Il avouait qu'il avait éventuellement peur, voilà, après 3 ans sans être titulaire, il faut le rappeler, il avait disputé quelques courses, mais c'était son retour il y a 2 ans en tant que titulaire, après 3 ans sans l'être. Donc c'est, enfin bon, voilà, il termine son aventure chez Haas comme il a commencé, très bien, j'ai envie de dire très bien. Il y a peu de reproches à lui faire, encore une fois. Il a montré sur ce dernier Grand Prix ce qu'il a montré toute la saison, capable de lutter pour des top 10 sur pratiquement tous les Grands Prix, sur tous les circuits. Et de surperformer par rapport à son coéquipier. Donc non, enfin, rien à dire sur Hülkenberg. Des petits regrets pour lui, pour le coup, qui n'est pas la 6e place du championnat, parce que vraiment, il a porté son équipe. Et pour Magnussen, bah, c'est plutôt sympa, c'est plutôt une happy end, quoi, on va dire. Ça termine 100 points, évidemment, mais il y a, comme tu l'as dit, Manu, ce petit relais en pneu tendre à la fin qui était sympa. Et puis globalement, à Magnussen, je trouve qu'il s'il a été assez largement dominé, il faut le dire, cette année, donne une bonne image en partant, je trouve. On a vu il y a quelques années encore un Magnussen un peu nerveux, capable de, voilà, du meilleur comme du pire. Je trouve qu'on n'a pas eu le pire Magnussen cette année, c'est cool, parce que bon, pour le coup, je pense que là, pour le coup, c'est des vrais adieux à la F1, mais il termine plutôt bien. Voilà, à son rêve, je pense, pu mériter une 6e place avec 2 bons pilotes, même si Hülkenberg a été nettement au-dessus. Et juste pour conclure sur Magnussen, qui donc voilà, va rebondir en WEC avec un très beau. Très bon chez BMW, donc c'est très chouette pour lui. Rappelons hein, qu'il aurait signé chez Peugeot, enfin qu'il avait même signé chez Peugeot en WEC avant de retourner à la surprise générale chez Haas en 2022. Donc on va dire que c'est un semi-retour en WEC, même s'il n'y a finalement jamais couru. Mais en tout cas, voilà, bonne chance à lui et nul doute qu'il fera une super carrière en WEC. Bon, j'ai pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est que Magnussen finit comme. Je pense la tête haute, parce que bon, certes, il y a son petit problème de freinage là, ça faisait plusieurs courses effectivement qu'il a trouvé les bons outils. Enfin, en tout cas, il y a eu une petite modification sur ce système qui lui a permis vraiment de revenir un peu plus au niveau du Hülkenberg, en tout cas. Donc c'est quand même bien de voir qu'il finit pas du tout en roue libre comme ça peut être le cas pour d'autres pilotes. Si jamais il y a besoin de le rappeler, je pense que on pourra le rappeler s'il y a besoin. Je pense que c'est pas quelqu'un. Il n'a pas fini hein, chez Haas. Hein. Ça négocie encore sur avec Komatsu pour voir quel rôle il peut avoir. Effectivement, ça pourra pas être un pilote de réserve à plein temps. Mais oui, il y a quand même un petit rôle qui lui sera réservé. Ça discute encore. Il y a pas de voilà dans son contrat avec BMW, il y a des choses aussi qui ont été négociées pour qu'il puisse rester un petit peu en lien avec Haas. Donc c'est pas tout à fait fini cette histoire. Voir comment il va pouvoir rester, dans quel rôle et tout ça, mais voilà, il sera pas très loin des paddocks de F1 trop longtemps dans l'année. Sinon, bah, voilà, pas plus s'ajouter sur H. Je trouve qu'ils ont fait une saison absolument magnifique. Ouais. Je salue Hayao Komatsu, mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans le bilan, pour sa gestion, pour son, ouais, pour ses propos, pour la façon dont il gère médiatiquement, en tout cas, son équipe. Mais je pense qu'il la gère aussi tout aussi bien en interne. Qu'est-ce qu'il dit, sa bienveillance, effectivement, même par rapport à l'affaire Ocon Alpine aussi. Il a eu les mots mesurés aussi derrière tout ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'ajouter de l'huile sur le feu. Voilà, et je suis très content de voir cette équipe repartir d'un bon pied, parce que c'est très bien une équipe qui aurait pu aussi continuer à sombrer et finalement être revendue. Et voilà, le fait justement qu'elle repart du bon pied, c'est aussi un petit peu ce qui a contraint Andretti et Cadillac du coup à devoir lancer un autre projet, parce que cette proie possible qui était As à la vente, finalement ne l'a pas été. Donc voilà. Attention, il faut pas dire trop de fois Andretti, sinon la femme va venir et nous. Oui, pardon, il faut dire TWG en fait, parce que Andretti Global a pris bien le soin de se faire renommer TWG pour qu'il n'y ait vraiment plus de nom. Enfin bref, on sait tous derrière qui est tout ça, qui est derrière tout ça, évidemment, puisque Mario continue à parler d'ailleurs. D'ailleurs, c'est même quasiment que lui qui parle, hein. C'est même pas les autres. Si on veut savoir des choses sur Andretti, sur feu Andretti, c'est Mario qui parle. Bon, peut-être que parce que Mario se fait vieux, il aura peut-être plus trop l'occasion de parler dans quelques années. c'est un petit peu cruel, mais bon, c'est pas tout à fait faux non plus. Mais voilà, non, c'est clairement, dès que le projet sera lancé, ce sera plus ni Mario ni Michael qui pourront parler. Donc voilà, c'est un petit peu logique qu'il fasse le premier service après-vente, entre guillemets. Je pense que Mario sera toujours dans sa qualité de président non exécutif. Hein, oui, voilà, un petit peu un rôle à la Loda, effectivement. Donc, ouais. Voilà. Bon. Non, pas plus à dire sur As, voilà, pour avancer, effectivement. Ouais, non, là, ça a été globalement pas mal du tout. Aston Martin finit également avec des points. C'est vrai qu'ils avaient fait une série de 6 courses sans marquer des points. Fernando Alonso termine les 2 dernières courses dans les points, ce qui est plutôt... Il a été assez content. Il termine 9e, Lance Stroll termine 14e. Moi, Lance Stroll, j'étais pas sûr qu'il était là ce week-end, je vous avoue, je l'ai pas trop vu. Les rares fois où il a eu des interviews, il a pas... Littéralement, son interview d'après-course, c'était 2 phrases, mais c'était la même répétée 2 fois. Oui, il est cohérent. Hein. Ouais, non, mais c'est content, ça, c'est le strict minimum. Pour une fois qu'il est constant. Donc oui, il était là, si vous voulez, mais j'ai pas eu l'impression qu'il était vraiment là, quoi. Donc, et en plus, sa seule phrase répétée, c'était qu'il avait hâte de pouvoir profiter d'un peu de temps off, donc c'était pas fou. Du coup, merci à son équipe qui, comme d'habitude, invente ses propos pour un communiqué d'après course. Je pense que la personne, comment dire, la personne qui fait la com chez Aston est la plus proche de pouvoir écrire des romans, parce que elle commence à vraiment avoir beaucoup d'inventions, de capacités d'invention. Voilà, bah après Alonso, c'est vrai que ça a été Alex. Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur la performance de Fernando Alonso ce week-end? Bah, c'est sa meilleure qualif en carrière, non? C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça, hein, sa meilleure séance de qualif en carrière. Alors non, il fait une bonne séance de qualif, voire très bonne, mais effectivement, je pense qu'il tire le meilleur de cette Aston Martin. Et puis, voilà, moi, ça me fait sourire à force, hein, finalement. Bon, il a quand même fait une belle saison, Alonso, hein, s'il n'avait pas besoin de cette saison, à mon avis, dans sa carrière, mais il tire le maximum de cette Aston, qui était beaucoup moins à la rue que ce que je pensais. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop analysé son week-end de près, mais voilà, hein, c'est encore une saison de transition pour Fernando, et qui a été le meilleur des autres, hein, finalement, le champion de la F1.5, c'est lui, et assez largement, parce qu'on oublie de faire un énorme début début d'année. Donc voilà, c'est du Alonso, c'est-à-dire très très bon, et très très bon pour nous faire savoir qu'il nous dit qu'il est très très bon. Et qui d'ailleurs a dit qu'il méritait d'avoir prendre un petit peu de bonus des dirigeants de McLaren, puisque si Zach Brown et Andrea Stella sont à cette position-là, c'est aussi un peu grâce à lui. Il a dit que c'est lui qui a ramené Stella, il a dit... Enfin bon... il a distribué des trucs comme ça, il s'est distribué des trucs qui sont passés il y a 10 ans, et puis il dit pas, c'est grâce à lui. Il faut pas oublier que Red Bull est condamné dans ce cas. Ouais, non mais c'est vrai que c'est bon, après, c'est Alonso tout craché, très très politique depuis 2-3 Grands Prix, et bon voilà, qui tire effectivement, voilà, 16 Q3 sur 24 courses avec la voiture qu'il avait, c'est exceptionnel d'après lui. Donc on a senti un peu à fleur de peau ce week-end, oui. Parce que vendredi il dit que c'était la pire voiture qu'il ait jamais conduite, que de toute façon il était dans le trafic, que c'était nul. Samedi matin il prend sa voiture aux EL3, premier tour, ça va être une belle journée, finalement il se qualifie assez, enfin il se qualifie juste sur Q3, enfin bon, c'était Alonso, quoi, c'était un week-end dans sa tête, sauf qu'il a juste pas eu de filtre et qu'il nous a tout dit, quoi. Ouais, c'est l'Alonso qu'on aime, c'est-à-dire politique, mais dans le bon sens du terme, ouais. Orgueilleux, et puis très très bon sur la piste. Puis en fait, c'est toujours un très bon client quand il a aucun filtre. Moi, je trouve que, enfin là, il est pareil. Il a dit que de toute façon, bah oui, la F1. On lui a demandé si la saison 2024 avait été bonne. Il a dit que la F1 c'était que c'était bien, mais globalement que c'était mieux pour ceux qui avaient une bonne voiture et que c'était encore mieux s'il avait pu avoir une voiture qu'il n'avait pas blessé à l'épaule, quoi. Donc voilà, c'est Alonso. L'article que j'ai fait cet après-midi sur Next Gen est vraiment incroyable parce que c'est du Alonso. Ah bah je te l'ai laissé, j'ai vu ça, j'ai dit tiens, lui c'est, ah, c'est pour bon. Manu ça. Il est bon parce qu'il dit oui, de toute façon, il m'a dit que je suis vieux, mais finalement bah, ça va, j'ai pas de problème de ce côté-là. Par contre, c'est vrai qu'il a dit il y a un grand prix où ça a fini, on avait l'impression que le parc fermé c'était The Walking Dead et moi ça allait bien. Enfin, ah ouais, non, il distribue des fions là, donc c'est pas mal. De toute façon, il changera plus, hein. C'est trop tard maintenant. Hein. C'est pas pour les 2 ou 3 années qui lui restent qui va changer. Écoute, moi, dans cette saison morose, quand même, hein, parce qu'on en parlera dans le bilan de fin d'année, mais c'est quelle année assez très compliquée, quand même. Hein. Je suis quand même content de revoir le meilleur Alonso qu'on avait laissé la dernière en piste. Il y avait eu, rappelons quand même, un milieu de saison un peu plus compliqué. Donc, il termine quand même très bien l'année, placé quasiment systématiquement la voiture en Q3 sur le dernier Grand Prix, c'est quand même pas mal. Le milieu de tableau est plus serré que jamais. Je suis pas persuadé que l'Aston soit plus rapide que l'Alpine ou la Haas. Je pense même que c'est plutôt l'inverse. Donc, le fait qu'ils puissent être à leur niveau, ou du moins juste derrière au contact, c'est quand même pas mal. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur Stroll, je viens de vérifier, donc il a pas marqué un seul point sur les 11 derniers Grands Prix de l'année. Donc voilà, ça se passe de commentaires supplémentaires. Enfin, en même temps, il n'a pas pris le départ, ces 11 derniers Grands Prix. C'est sûr qu'en passant par les graviers aussi, c'est pas évident non plus. Hein. Il a disparu, alors qu'il il a eu des moments cette année, on se disait, mais il fait bien son taf, quoi. Mais il a disparu après la trêve, c'est fou. Alerte enlèvement. Non mais c'est vrai, je pense qu'après il y a certains pilotes. Vu que Newey avait signé, il avait ah c'est bon, on va attendre maintenant. Ouais. Tout le long de la saison, il a entendu Alonso dire de toute façon c'est 2026. Il dit mais attends, mais du coup je vais rien foutre, ce sera plus simple. Non mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu. Bon, je pense qu'après ça va être compliqué d'être face à Alonso parce que t'es face à un mec qui est toujours quand même à un très bon niveau et finalement quels que soient les efforts que tu fais, il a eu un moment dans la saison où il a commencé à le battre et puis finalement dès qu'Alonso s'est un peu réveillé parce qu'Alonso a eu un peu moment de faiblesse mais ça s'est vu, voilà, ça a été selon Mike Rack, il est toujours très motivé, puisque Mike Rack a dit que non, le Stroll est très motivé parce qu'il a demandé à faire des essais privés. Donc c'est la preuve qu'il est mort de faim. Quoi. Il va les faire chez Williams, comme à l'époque. il est transparent, alors je sais pas, parce que si c'est parce qu'Aston a été pour le coup elle aussi plutôt transparente sur la deuxième partie de saison, il faut bien le dire. J'ai l'impression qu'on n'est même plus sur les critiques sur Stroll, on est presque dans l'indifférence, quoi, comme on dit, est-ce qu'il était là. Mais on n'est plus du tout, mais que ce soit nous ou d'autres médias. Personne ne s'offusque sur ça. Parce que c'est pas non plus absolument honteux, je veux dire, c'est juste médiocre, mais c'est pas honteux. Bah, ouais. C'est pas honteux, non, tu as raison, c'est pas honteux, mais il a quand même 8 ou 9 saisons en Formule 1 maintenant, et on ne voit toujours rien. En fait, d'une certaine manière, c'est honteux qu'après 9 saisons, tu ne vois rien chez ce mec. Ou en tout cas, tu as quelques fulgurances, tu as quelques grands prix. Non, mais chaque année, tu as quelques grands prix où c'est fulgurant, où tu es là, bon, bah, ce mec, il a clairement le talent pour être fort. Parce que dans le fond, je reste persuadé qu'il a le talent pour être dans la discipline, mais qu'il est incapable d'être constant sur toute une saison. Et c'est la même chose depuis. Il a commencé quoi en 2017, donc ouais, depuis 7 ou 8 ans. C'est 8 saisons, ouais. C'est ça qui est assez fou. 8 saisons, quoi. 8 saisons. 8 saisons, et c'est vrai que je pense que si tu cumules toutes ces bonnes courses, t'as une bonne saison et demie sur le tout, quoi, parce que, qui sont vraiment de très bonne qualité. Par contre, quand Stroll est bon, il est bon. Et moi, je maintiens qu'on peut quand même, il existe un scénario quelque part dans le futur où Newey et l'équipe pondent une voiture incroyable et que Stroll empile 4 ou 5 victoires en 2026. Hein, donc, c'est pas impossible. Mais, Il a mis une Force India en pole, enfin ça s'appelait déjà une Racing Pole, mais il a mis une Racing Pole en pole, pourquoi il ne mettrait pas une Aston Martin? Il met une Williams de 2017 en première ligne, il la met sur le podium, enfin je veux dire, quand oui, il est d'accord, quand mais il a... Ah oui, mais à 2 reprises, quoi. Voilà, mais quand la voiture n'est pas là, de toute façon, mais là, de toute façon, il attend son heure, de toute façon, il a compris. Tout le monde a compris qu'il était indéboulonnable. Tout le monde a compris qu'il dirait plus rien d'intéressant tant qu'il n'aura pas une bonne voiture. Et voilà, donc tout le monde le zappe à juste titre. John Smith résume très bien le truc en disant on ne fait plus attention, il fait partie des meubles, c'est comme la console dans ton entrée. Je pense qu'il y a d'ailleurs quelqu'un dans l'équipe qui lui pose des clés sur la tête ou un truc comme ça. Tu vois. C'est vrai que c'est vraiment. Bon. Et ça, je regrette presque parce qu'on peut penser qu'Alonso va finir sa carrière une fois chez Aston et que même quand ce sera fini, il sera sûrement ambassadeur pour la marque ou j'en sais rien, peut-être qu'il la représentera en WEC, qui sait, c'est encore loin tout ça. Mais Alonso n'aura jamais fini. Bah attends, il a Cadillac, peut-être, un peu de chance, Alonso. Ouais. Si Alonso quitte. C'est un nouveau projet. C'est ma meilleure équipe. Si Alonso quitte Aston un jour, je serais curieux de le voir sans filtre sur Lance Stroll, justement. Oui, c'est vrai. J'aimerais beaucoup savoir son vrai point de vue, tu vois, plutôt que ah oui, mais c'est lui qui va mener l'équipe. Qu'est-ce que tu penses vraiment, Fernando? Dis-le nous. Il est ami de la famille. Ouais, il est ami de la famille, je pense qu'il resterait mesuré. Quoi. Oui. C'est vrai que dans sa tête, des fois, ça doit briller. C'est sûr. Ouais. Dans sa tête, après, ça lui permet de nier, il le bat facilement. Ouais, il y a Niue, c'est pour ça qu'il est. Ouais. Ouais. Il va mourir de vieillesse. Par contre, on peut saluer quand même ça. Il a dit qu'il allait mieux se préparer physiquement l'an prochain parce qu'il était un petit peu. Il a dit quand même qu'il y a besoin parce que c'est par rapport à, pas par rapport à sa préparation mais par rapport à la longueur de la saison. Il a dit qu'il y avait des fois où c'était très très long. Mais au-delà de ça, on peut quand même saluer sa constance et son niveau de préparation. Qu'on avait encore vu ce dimanche-là, où finalement, dès qu'il y a une possibilité d'aller chercher des points. En fait, l'avantage avec Alonso, c'est que le moindre objectif, il en fait le combat de sa vie. Donc, effectivement, après, il vient nous dire que c'est la meilleure qualif de sa vie, mais c'est vrai que le mec, il donne tout pour aller chercher une 9e place, quoi. Donc là-dessus, on ne peut pas lui en vouloir. On va passer chez Williams, avec la 11e place d'Alex Albon et l'abandon de Franco Colapinto, percuté par un Oscar Piastri un petit peu énervé lui-même au premier tour. Bon, j'ai pas énormément de choses à dire sur Williams. Belle course d'Albon, hein, qui avec une grosse ligne galée dans les points jusqu'à ce que Piastri lui fonde dessus finalement, donc c'était pas mal. Mm. Bonne course pour Albon après une série de courses quand même très très très très difficile et Colapinto, pas de chance, mais il finit c'était pas un crash, hein, mais il finit la saison sans avoir beaucoup roulé finalement. Mm. Ouais, c'est ça. Non, un bon rythme quand même pour la Williams sur ce circuit. T'es quand même assez proche en qualification et même en course, là, pour le coup, effectivement, elle avait une carte à jouer. Après, voilà, comme ils abandonnent devant, hein, Piastri n'était pas à sa position normale avant de remonter. Ouais. Perez a été éliminé aussi. Donc voilà, est-ce que ça jouait vraiment les points à la régulière? Pas forcément non plus. Il y a comme une Alpine en moins aussi, puisque on va dire que Doohan n'était pas vraiment encore au niveau sur ce premier Grand Prix. Son unique Grand Prix, on ne sait pas encore. je laisse clairement ouvert le scénario Colip. Si c'est battre par Aaron, je pense qu'il dégage Johan et pas de Colipito. Ça risque d'être un peu compliqué pour lui, là, parce qu'il faudra voir l'analyse de sa course, mais bon, bref. Non, Williams, qui a déjà commencé sa nouvelle vie avec Carlos Sainz, puisqu'il a tourné aujourd'hui à Abu Dhabi 200 km en tournée pour tournage promotionnel avant les essais de demain, donc ils avaient loué le circuit aujourd'hui. Donc voilà, je pense que clairement Williams, ils auraient clairement la tête à préparer cette séance aussi d'essais, d'avoir le maximum de pièces possible aussi, parce que il faut dire qu'il n'y a pas grand chose non plus qui restait en stock, donc voilà, c'est fin de saison qui n'est pas du tout catastrophique, hein, la voiture restait à peu près dans le coup. Abu Dhabi reste un circuit entre guillemets facile, comme le Qatar où il n'y a pas de grosses bosses, donc en termes de d'efficience des F1, c'est quand même toujours plus serré. Mais voilà, bon, pas grand chose de plus à dire que ça. Dommage pour Colapinto, effectivement, de faire une fin de saison un petit peu plus en retrait, on va dire, que ce qu'il a montré. 91 millièmes d'écart avec Albon en qualif, donc c'est largement. Oui. C'est très correct parce qu'Albon est quand même Il a l'ancienne suspension en plus, il a l'ancienne suspension en Colapinto. Donc, non, c'est. Il a quand même marqué beaucoup de points un peu partout. Il ne sera pas chez Red Bull, c'est sûr, maintenant. Il lui reste quand même une poste ouverte possiblement chez Alpine si Briatore est prêt à mettre 20 millions. Bandeau. Ouais, 20 millions, je suis pas sûr quand même. Enfin, à mon avis, je pense que James Vowles est un peu gourmand. Par contre, un prêt de Colapinto à Alpine et pas un rachat de contrat, oui, pour moi, c'est je vois plus ça. Je vois pas Alpine racheter le contrat à 20 millions à Williams. Je vois plutôt effectivement Alpine prendre Colapinto en prêt en voyant que Doohan est pas au niveau. Clairement. Ouais. En attendant de signer quelqu'un d'autre. Donc moi je vois beaucoup plus un scénario comme ça qui ferait sens que de voir Briatore sortir 20 millions pour un pilote qui reste certes très bankable au niveau de ses sponsors et de son soutien en Argentine, mais quand même 20 millions à sortir c'est quand même pas rien. Donc voilà. C'est ça. On va passer à RBF1. Yuki Tsunoda termine 12e. Liam Lawson a abandonné après en plus un souci au stand avec une roue mal fixée. Bon, c'est vrai que ça a été un petit peu confus. RBF1, c'était pas ça à la fois. Ils sont pas mal qualifiés. Ils sont qualifiés aux portes du top 10 et puis tous les deux l'un devant l'autre. C'était pas si mal, mais bon, ça, il manquait un peu de rythme sur la course pour que ça aille chercher les points. Donc, et puis Tsunoda manque de calé au départ et ils sont tous derniers pour le virage, ce qui n'aide pas. Sans quoi, il aurait sûrement eu des points, oui. Essayer de faire une Adjar, mais bon. Ouais, je voulais pas le mentionner pour Adjar, mais c'est signature maison. C'est la F2, hein, c'est un mécachrome. Ah bah en tout cas, si on a un duo Tsunoda-Hadjar l'an prochain, comme c'est fort possible chez RBF1, ça pourrait être le concours à celui qui crie le plus dans la radio quand même. Parce que je pense que les ingénieurs, ils vont goûter là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que... Non, pas grand chose de plus à dire sur RBF1, ils n'étaient pas tout à fait dans le coup. C'était pas largué non plus, mais bon voilà, il faut des preuves. Oui, pourtant, ils ont le train arrière de la Red Bull RBF1. Ouais. Je sais pas forcément si c'est la meilleure adaptation à prendre. Mais non, c'est... Bah, ça finit un peu loin. Donc pour le coup, le fait d'avoir perdu la 6e et 7e place face à As et Alpine ou Alpine et As, selon comment on veut les classer. Hein. En début d'année, tout le monde les voyait 5e facile. C'est justifié. Et ouais, mais bon, il faut dire que cette ancienne équipe à Franz Tost n'arrive toujours pas à cette fameuse 5e place. Donc ça reste leur plafond de verre pour l'instant. Et bah, c'est pas avec des pilotes. J'ai du mal à voir Lawson Hadjar l'an prochain chez RBF1, donc j'ai plutôt voir Tsunoda Hadjar à mon avis. C'est comme plutôt là-dessus qu'on se dirige en termes de scénario. Heureusement qu'il restera un pilote expérimenté du coup pour Tsunoda, ça risque d'être la déprime parce qu'il n'y aura rien à gagner. Parce que s'il se fait battre par Hadjar, on dira ouais, vraiment carrière finie. Et s'il bat Hadjar, on dira mais c'est normal, c'est un rookie. Tout en ayant la déprime de voir Lawson chez Red Bull, donc franchement, c'est pas simple. Ouais. Tu gardes la petite chance que si Lawson se vautre chez Red Bull, tu puisses le remplacer à la mi-saison. Il lui reste ça à s'accrocher, donc ça reste une situation. Mais quand même, voir un mec qui a à peine disputé 10 Grands Prix prendre la place, on est tous d'accord ici pour dire, je pense qu'il mérite chez Red Bull. Il mérite au moins d'avoir une chance. C'est vrai que c'est pour le moral, ça ne va pas être facile. Ouais. Ouais, il va rouler mardi dans la Red Bull pour la première fois, ouais. Pour la dernière peut-être. On sait pas. Ce qui est un peu dommage. Pourquoi ils font ça? Ben, le jour où on arrivera à vraiment décrypter ce qui se passe dans les cerveaux, dans le cumul de cerveaux de Horner et Marco, promis, on fera une émission dessus, parce que ça peut être intéressant, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. On invitera les plus grands neurologues. Quelques psys, probablement, ouais, des gens aussi qui connaissent les contrats, enfin plein de gens qui peuvent nous aider. Et puis on essaiera de démêler tout ça. C'est une grosse émission. Hein, ça. Ouais, il faut pas. Ce sera un peu les dossiers de l'écran, là, des vieilles émissions. et puis du coup, on va terminer avec. Alors, juste, on en profite, ça y est, c'est officiel. On dira... enfin, nous, on disait RBF1 sur le site. C'est bien, c'est Racing Bulls. Voilà. Ça a été adopté. Tout le monde dira la même chose. Tout le monde appellera ça les Racing Bulls maintenant. Certes, RB, c'était un peu l'acronyme de Racing Bulls, mais c'est vrai que nous, on avait choisi RBF1. Certes, c'était aussi plus court. Maintenant, donc, on aura Red Bull et Racing Bulls. Voilà. Donc, habituez-vous à partir de demain, lors des tests d'après-saison, parce qu'on va les courir, ces tests, à dire Racing Bulls. Je pense que 80% du grand public va confondre. Alors, je sais pas si c'est l'idée, mais. Ouais, le fait d'avoir Bulls dans les deux. Plus personne ne va rien comprendre. T'as les Bulls. Hein. T'as les Bulls, ouais. Mais c'est vrai que c'était le nom de l'entreprise qui exploitait l'équipe. Et ils étaient fiers l'an dernier de nous dire oui, nous, on n'a pas de nom. En fait, l'équipe n'a pas de nom. C'est Visa Cash App. Ouais, c'est ça. Et puis après un an sans nom et que tout le monde ne sache pas comment les appeler, ils ont dit bon, finalement, on va peut-être avoir un nom. C'est pas terrible. Et au final, le nom est assez nul, je trouve. Je préfère largement AlphaTauri. Ouais. En fait, tout le monde espérait qu'on adopte Visa Cash App, mais tout le monde a bien compris qu'on n'allait pas rentrer dans ce jeu commercial de bas étage. Voilà. Moi, je pense qu'une saison de plus, et j'aurais acheté toute une panoplie d'AlphaTauri et collection était. Disons, moi, il y a des pilotes qui les appellent toujours AlphaTauri. Hein. Ouais, oui, bah, quasiment tout le monde d'ailleurs. C'est bien la preuve que ça marchait pas. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le font. Et c'est vrai que moi, si on m'avait forcé à les appeler Visa Cash App, j'aurais appelé Red Bull Oracle. Du coup, comme ça aurait été logique. Bibit Oracle Bibit. Bibit F1. C'est pas loin, hein. Avec Horner à la tête. Oui, non, mais en plus, oui, c'est pas. Oui. Avec Pipou Horner à la tête. Pipou Horner, ouais. Non, Oracle F1, c'était bien. C'était un peu moins limite. Et puis on termine avec Steak, 13e place de. On appellera Sauber. Oui, on appellera Sauber. Bon, c'est pas trop parce que ça va être encore Steak F1, mais bon. Ouais, Sauber, oui, c'est bien. F1, mais on va dire Sauber parce qu'il y a comme une transition avec Audi. Oui. Je vous avoue que j'en ai un peu marre. Tu l'appelleras Enjeu. Enjeu. J'en ai un peu marre d'écrire Sauber / Steak F1 futur Audi. Déjà, au moins, maintenant on va dire Sauber futur Audi, ça simplifiera les choses. C'est ça, on dit anciennement sommaire. Comme... mais ouais, pareil, on va s'appuyer aussi, on va vraiment appeler. Voilà, Sauber et Racing Bulls, voilà, appelez-vous, voilà, fidélisez-vous à ces nouvelles dénominations chez nous. Voilà, exactement. Donc Sauber termine avec une 13e place. Excellente qualif de Bottas. Et excellente qualif de Bottas qui fait sa deuxième Q3 de la saison, avec une 9e place, sa meilleure qualif de la saison d'ailleurs. Puisque son Q3 c'était une 10e. Et ensuite, course catastrophique. Voilà, qui a totalement foiré sa course. Bottas qui à la fois était un petit peu ému à la fin de ce qu'il ne sait pas trop ce qu'il va faire après. Et puis à la fois qui a fait une saillie dans les médias sur son équipe en disant que bah, la seule grosse erreur qu'il avait faite après avoir quitté Mercedes, c'était d'avoir signé pour Sauber, qu'il n'aurait jamais dû signer chez eux. Et il a dit que la première année avec Vasseur était très bien, mais qu'après c'était la descente aux enfers. Donc, On ne sait pas tout ce qui s'est passé en coulisses, mais moi je trouve ça moyen. C'est un peu violent. Pour tous les gens qui commencent, qui travaillent chez Sauber, qui font ce qu'ils peuvent, avec on va dire un budget qui est moins élevé, c'est pas hyper classe. Franchement. Il l'a mauvaise d'avoir été jeté, surtout, je pense, clairement. Ouais. Il a dit aussi clairement que quand Vasseur était là, quand il est arrivé, ça se passait vraiment bien. Et dès que Vasseur est parti, Vasseur, il a quand même eu l'appel chez Ferrari, il n'allait pas dire non non plus. Je compare ça avec Sainz. Sainz, il a été pro, mais alors incroyable. Oui, il aurait eu des raisons d'avoir un peu du boule, quoi, parce que. Quand même, via Ferrari, alors que c'était pas non plus ses performances étaient quand même correctes. Là, pour le coup, il a eu une attitude, je trouve, assez admirable de bout en bout. Et Bottas, non, désolé. Sainz a compris que l'appel Hamilton était forcément difficile à refuser. Et comme je pense que Bottas a compris que pour Vasseur, c'était aussi difficile de refuser Ferrari, maintenant. Ce que Bottas a reproché, c'est que les plans qui ont été mis en place par Vasseur n'ont pas du tout été suivis des faits, ni respectés, ni quoi que ce soit, et même bouleversés. Et ce rachat, finalement, par Audi, a aussi mis en pause beaucoup de choses. Une gestion catastrophique avec deux dirigeants qui se tiraillaient, qui ont fini tous les deux par sauter, Seidel et Hoffman, pendant la période pendant laquelle l'équipe n'a absolument pas avancé, n'a pas progressé. Donc je pense qu'effectivement, Valtteri, qui en plus n'a pas été retenu, alors que Binotto lui avait quand même fait comprendre à un bout d'un moment que ça pourrait être bien, alors que derrière, au final, il a préféré signer un jeune pilote comme Bortoleto, on peut comprendre qu'il ait eu les boules. On peut comprendre qu'il ait eu les boules. Maintenant, effectivement, de dire que c'est la grosse erreur, bon, peut-être, c'est vrai que c'est chaud. Donc là, il va se retrouver avec un rôle de réserviste chez Mercedes, pendant un an, en attendant effectivement une opportunité peut-être chez Cadillac, peut-être ailleurs. C'est clair qu'il n'était pas du tout content du traitement qu'il a eu en cette fin d'année avec Binotto chez Sauber. Ouais, dommage que ça se finisse comme ça. On devrait le retrouver chez Mercedes l'année prochaine en tant que troisième pilote. A priori, c'est bien parti, donc on continuera quand même de le voir dans les paddocks, notre ami Valtteri Bottas. Bottas sait faire un bon café. Moi, je sais que ça. Un peu l'assurance, si Anthony fait n'importe quoi. Oui. Oui, et oui, c'est ça. C'est que derrière, il y a aussi un peu cette perspective-là, effectivement. Tu as raison de le dire, Alex. Et effectivement, moi, je serais curieux de savoir, juste ma plus grande question, c'est de savoir finalement si Mercedes va lui laisser garder son mulet. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout bien vu à l'époque. Mais c'est interdit en F1, les mulets. Oui. Depuis 2003, je sais bien. Mais lui a réussi à regarder un, tu vois, donc depuis un an. Je sais pas s'il va réussir à avoir une deuxième année. Ah, là, il y a des gens dans le chat qui ont plus de 21 ans, ils savent pas ce que c'est qu'un mulet. Hein. Ouais, c'est ça. C'était une troisième voiture. À l'époque, on avait le droit d'avoir une troisième voiture dans les garages. Qui était prête à rouler au cas où il se passait un truc. Ta question a du sens, Manu. Je pense qu'ils vont le laisser être ce qu'il est parce que bon, il s'est quand même créé un sacré personnage médiatique, c'est vrai. Rien. Donc, c'est aussi une bonne chose pour Mercedes. Et il revient en tant que troisième pilote dans un rôle complètement différent de celui qu'il avait à l'époque. Donc, alors, je m'attends pas à ce qu'on lui demande de changer ni sa coupe de cheveux, ni sa façon d'être en général. Je pense qu'il aura bien plus de liberté qu'il en avait à l'époque. C'est l'amuseur du paddock maintenant que Ricciardo est parti. Donc. Puis peut-être que Mercedes se détendre un peu au niveau image aussi, parce qu'ils ont une image assez sérieuse et finalement, ça, c'est tout de suite un peu plus reproché quand les équipes marchent moins bien. Donc. Par contre, je maintiens que Bottas, même si moi j'adore le personnage, je ne suis pas sûr que ça ait plaidé en sa faveur pour Audi, par contre, qui pour le coup débute en F1 et je pense veut envoyer une image peut-être un peu plus sérieuse. C'est différent là de revenir chez Mercedes où il a déjà piloté que de débuter une aventure avec Audi qui peut être prise au sérieux dès ses débuts. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc je ne dis pas que c'est la raison, évidemment. Il y a bien d'autres paramètres qui sont rentrés en compte, mais peut-être que ça n'a pas plaidé en sa faveur. Ouais, c'est ça. Et puis, Saluons Kuss quand même aussi. Ah, bah, pardon, tu avais Guanajuato, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Ouais, je voulais dire justement, il termine 13e. Alors, déjà, c'est vrai que c'était pour montrer que c'est quand même assez serré parce que finalement, il est 13e et c'est la dernière équipe. Donc, y a les 10 équipes sont dans les 13 premières places. Donc, ça montre que c'est quand même assez varié dans le top 10 et juste en dehors. Et puis, bon, bah, Joe, c'est vrai que ça n'a été pas la super course, mais. Ouais, moi je voulais quand même saluer, après on fera un bilan plus complet, mais j'aurais salué la fin de saison de Joe, globalement, ces 2-3 dernières courses. Où bah, en fait, dès que la voiture a eu des évolutions et qu'elle a arrêté d'être une voiture très difficile à exploiter et dont les pilotes se plaignaient comme étant une voiture qui était très souvent à la limite et en dehors de la limite, et bah, finalement, bah, ça a fonctionné pour lui. Il était pas, c'est pas, il valait pas beaucoup mieux qu'un Bottas, mais il valait pas beaucoup moins bien. Et là, il l'a encore prouvé ce week-end, hein, finalement. Il fait pas une mauvaise qualif, il est un petit peu plus loin en qualif, mais en termes de d'écart avec Bottas, c'est vraiment très très peu en Q1. Et puis derrière, il fait quand même une course assez honnête, on va dire, à défaut de dire solide. Et ouais, je trouve que c'était pas mal. Et puis lui aussi, bah, c'est pareil, ça va être probablement une place de réserviste. Et puis lui, par contre, il est content d'être réserviste, il veut souffler un peu. Et puis, par contre, il prépare son retour pour 2026. Là, c'est un petit peu optimiste vu tous les candidats qu'il y a des baquets. Mais après, avec. Son seul atout pour revenir, c'est que son manager, c'est Graham Loddon, ouais. qui a été nommé directeur d'équipe de Cadillac F1. Donc, son atout, c'est son passeport. Voilà, c'est passeport et sponsor, ouais. Donc. Cela dit, j'ai pas parié pour une fois pour un podium de Joe, mais j'avais quand même dit Verstappen et Leclerc j'avais quand même dit Norris vainqueur et Leclerc troisième. Donc j'y croyais pas pour Leclerc troisième. Finalement, ça s'est fait. Il manquait que Verstappen en deux. Ouais. Moi j'avais dit. Oui, c'est vrai que du coup, on peut passer au pronos qu'on avait fait la semaine dernière, peut-être pour. Non, je voulais juste, moi, avant qu'on passe au pronos, je veux dire juste comme ça, saluer aussi le titre de Formule 2 de Gabriel Bortoleto, futur pilote. Oui. Du coup, Sauber l'année prochaine. Donc, vraiment un pilote qui a vraiment champion de F3, champion de F2 qui enchaîne. En tant que débutant à chaque fois. C'est ça. Mmh. Donc bravo à lui. Donc, du coup, baquet aussi mérité hein, sur ce coup-là, en tout cas. À voir ce qu'il va donner en F1. Voilà. Ce sera pas l'équipe la plus facile pour débuter. Hein, parce que même si la Sauber était plus fringante sur cette fin de saison. Ouais, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas une mauvaise base. Et finalement, le duo Hülkenberg-Bortoleto est. En fait, en début de saison, quand ils ont annoncé tout ça. On se disait, putain, entre le niveau de steak, Hülkenberg qui va se paumer là-bas, après quand tu es dans ses Bortoleto, tu dis ça va être compliqué pour lui. Et finalement, les progrès à la fin de saison donnent un peu du sens et du relief à tout ça, je trouve. Et on parlera aussi dans le bilan perspective, mais ouais, je suis moins alarmiste que je l'étais il y a 3-4 courses pour Sauber. Et en tout cas, ça fait bien plaisir de revoir des Sud-Américains en F1. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Là, on a deux pilotes qui vont. Colapinto qui a quand même apporté un vent de fraîcheur en cette fin de saison, et Bortoleto à qui on souhaite le meilleur. Le plus dur reste à faire. Hein. Mais en tout cas, ça fait bien plaisir d'avoir revu un Argentin. Ça faisait encore plus longtemps qu'un Brésilien, mais d'avoir aussi un Brésilien à nouveau titulaire en F1. C'était quand même. Vu la performance de ce pays dans l'histoire de la F1, c'était un peu une anomalie, et c'est sympa que ce soit un petit peu réparé. Avec un nouveau pilote qui, visiblement, a beaucoup de talent. Et puis, on a un Italien. Hein. Ça, c'est pas n'importe, pas ouais. N'importe quelle équipe. Non, c'est vrai que ça va être pas mal sur l'an prochain. On va avoir beaucoup de changements. On aura le temps d'y revenir. On va faire une émission de bilan par la suite. On va faire une émission de perspective de 2025, peu avant les débuts de la saison aussi. Et puis, voilà. Mais c'est vrai qu'on fera un bilan, hein, comme on l'avait dit, de toute façon, probablement avant la fin du mois. Alors effectivement, les pronostics, j'ai pas noté ceux de tout le monde, je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'y revenir aujourd'hui. Moi j'avais dit un double Ferrari parce que je voulais y croire. Ouais, moi j'avais dit un double McLaren devant Verstappen, et finalement si Verstappen n'avait pas pris son départ de merde, j'aurais peut-être eu raison. Donc je m'attribue un peu de mérite. Bah, moi aussi pareil, j'avais raison. J'ai fait le meilleur prono de ma carrière. moi j'avais aussi un très bon prono si Verstappen avait bien tapé les deux McLaren, comme je lui ai demandé. C'est vrai aussi. J'y étais. D'accord, voilà. Finalement, est-ce qu'on n'est pas tous un peu gagnants? Je sais plus, vous avez dit quoi, Paul? J'avais mis moi Verstappen vainqueur devant Norris et Leclerc. Donc, bon, j'avais Leclerc bon en troisième, même si j'étais pas très confiant après la qualif. Mais comme Alex, ça s'est révélé être le prono parfait. Et j'avais misé sur le victoire de Verstappen qui paraissait intouchable en cette fin de saison, mais finalement non. Non, c'est plutôt lui qui va toucher. Oui. Effectivement. Il a vu que Piastri n'était pas intouchable en tout cas. Et toi, Alex, t'avais dit quoi du coup? J'avais dit Norris, Verstappen, Leclerc. Bah si, t'as 2 sur 3, pas mal. 2 3 sur 3, la bonne place. Ouais. Et en fin de soirée, Alex, t'avais donné un autre prono. Est-ce que tu veux nous le rappeler? T'avais envoyé un autre prono. J'avais aussi donné un autre prono la semaine dernière, juste avant que l'émission se termine. J'avais eu juste le temps de la passer en live, d'ailleurs. Du one troll, je sais plus quoi là. Du one troll. Troll, voilà, c'est ça. Bon, bah presque. Ouais, j'avais dit victoire de Duane, ouais. T'avais un peu trop bu la soirée Canal Plus. Heureusement que Gauthier était avant, ouais, c'est ça. Il était après que le film. Bon, bah, les amis, rendez-vous dans. Bah, je sais pas quand est-ce qu'on va la faire cette émission. On n'a pas encore calé de date, premier, on potentiellement, on avait dit un jeudi, ça pouvait arranger pas mal de gens. Ouais. Peut-être jeudi prochain, à voir si moi je suis pas en déplacement parce que je vais partir en vacances quelque part et peut-être que jeudi je serai sur la route, je sais pas encore. Hein. Faut que je cale ça. Mais ça pourrait être. Voilà, on vous tiendra au courant en tout cas. Oui, comme d'habitude, évidemment. Suivez-nous sur le site, de toute façon, on l'indique. On indiquera sur les réseaux sociaux. On indiquera après quand on est en live, c'est ici. Et si vous la ratez, au pire des cas, ce sera mis sur YouTube en replay et en podcast aussi. Oui. Et on l'indiquera de façon, de manière assez anticipée dans les news aussi, hein, de temps en temps mettre un petit rappel. D'ailleurs, pour les news, suivez-nous bien demain, parce que demain, il y a les essais à Abu Dhabi. Pas mal de nouveautés en termes de pilotes, des jeunes pilotes, des gens qui arrivent, Esteban chez Haas, Nico chez Sauber, qui c'est qu'on a encore Bortoletto aussi chez Sauber, Sainz chez Williams, Voilà, donc il y a quand même quelques débuts. Il y aura des photos, évidemment, plein de photos. Voilà, même si c'est juste des nouveaux casques dans des voitures, c'est toujours ça de sympa, à tout prix. Et puis évidemment, le débrief, les communiqués, fin de journée, et la journée qui suivra aussi, certainement. On passera peut-être pas tout des mercredis soirs. Et puis vous nous retrouvez aussi pour les bilans aussi. Les bilans équipe pilote aussi jusqu'à fin décembre. Donc on a quand même un peu plus de bilans à faire cette année et on a un peu moins de temps aussi. Donc ça va être un peu plus sportif. Oui. Mais on s'est réparti déjà les tâches. Désolé Paul et Alex, pour une fois je reprends un peu des bilans. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc je vais m'y coller un petit peu. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc je vais faire les bilans. J'en ai bouffé donc avec plaisir. Voilà. Moi, si quelqu'un veut faire les bilans pilotes, n'hésitez pas. À part ce que ton médecin te dit, mais allez faire vos bilans. Bah, mon médecin, je le vois jeudi, donc voilà, ça sera mon bilan. Mais non, par contre, si vous voulez vous partager des bilans pilotes, comme vous voulez. Oui, si vous voulez en prendre, pourquoi ça varie. Bon, on en reparlera ensemble, mais ça varie. Si vous voulez. Après, je vais faire comme Alpine, le bilan, je vais le déposer. Paul va faire son bilan et celui d'Alonso. Voilà. Oh, c'est cool. Moi, je fais le bilan des pilotes McLaren, et puis après, le reste, vous démerdez avec. Un bilan. Je vais faire le bilan de Joe, podium, entre parenthèses, dans ma tête. Dans la tête d'Alex. ressenti, 8, cas, j'ai hâte de lire réel, 0. J'ai hâte de lire le bilan de Stroll. Deux mots. Ouais. Je répète. Zut. Il est heureux d'être en pause après une saison difficile. Troll, le troll. Voilà. Plus fort que Copperfield, capable de disparaître en plein milieu d'une saison sans jamais réapparaître. C'est fort. C'est quelque chose. Bon, on risque d'être un peu taquin avec lui dans l'émission bilan, évidemment. Donc, suivez bien cette semaine. Voilà, il y a peut-être des annonces, effectivement, côté Red Bull, certainement avant la fin de la semaine. Peut-être même déjà dès demain ou après-demain, on ne sait pas. Ça va tomber. Ça ne va pas tarder. Et puis, peut-être aussi, chez Alpine, je suis sûr que Duane, pour moi, il n'est pas du tout conforté dans sa place. Et je ne serais pas étonné dans un scénario où Colapinto peut être prêté, pas vendu par Williams. On pourrait effectivement avoir Alpine qui se sauve, entre guillemets, de Duane. S'il n'a pas été convaincant selon eux, en tout cas, pour une saison ou deux. Donc, à suivre tout ça cette semaine, certainement. Parce qu'après, ça va être vite les vacances, donc en termes de communication, c'est plus compliqué. Ouais, et si vous voulez savoir qui roule demain, on a un article qui a été publié ce matin sur NextGen où on a mis le programme. 14h17 a été publié. Ah oui, pour toi, c'est le matin, je sais. Le je croyais que c'était le matin, je sais pas pourquoi je sais personne. Mais on publie trop de trucs sur le site, au bout d'un moment, je connais plus les horaires. Ah bah oui, toutes les 30 minutes aujourd'hui. Hein, donc, c'est pour ça, moi je croyais que j'ai vu, il était en bas de page, je dis ça devait être ce matin. À vouloir être exhaustif, on publie beaucoup. Donc, c'est ça. On espère que vous appréciez. Voilà. Merci à tout le monde en tout cas de nous avoir suivis, de nous suivre sur le site aussi. Pareil, hein, prenez du temps aussi pour vous parce que la F1. Ça a été long, là, une longue saison, mais du coup, on a 97 jours devant nous pour souffler un petit peu moins en réalité, puisque entre les tests et puis après le début de saison qui arrivera très vite avec le gros événement F1 75, c'est pas dans 97 jours. Mais voilà, n'hésitez pas à toujours nous suivre et puis on vous tiendra au courant pour l'émission bilan. Encore une fois, merci tout le monde dans le chat, mais aussi ceux qui nous regardent sans participer activement, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Vous étiez plus de des pics à quasiment 500 encore ce soir, donc merci beaucoup. Et puis merci Alex, merci Paul et merci Franck pour cette émission avec toute l'équipe. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao.